Bienvenue à Wipe Sa Trash, le podcast québécois de World of Warcraft. Deuxième épisode de Wipe Sat Trash, je suis votre animateur Benjamin et je suis avec JC, votre co-animateur. Comment ça va, JC? Allô Benjamin, ça va bien et toi? Ça va super bien, puis on a un invité spécial en plus aujourd'hui, un gars qui est dans notre raid group. Oui, et un ami cher à nous. C'est qui? Alex Tanou! Ouais! Hey, comment ça va? Ouais, ça va bien, vous autres? Ouais, ça va. Puis bon... Fait que deuxième épisode, c'est cool. Le premier épisode, ça s'est bien passé. On va essayer que ça se passe aussi bien pour la deuxième. On va commencer avec nos semaines de WoW. JC, peux-tu commencer avec ça? Ouais, bien sûr. Moi, cette semaine, par exemple, j'ai pas joué à WoW. Oh non! Non, grosse Comment nouvelle. Ça? J'ai joué à Shadow of Mordor au PS4. Ah ouais? Ouais, super bon titre. Je le conseille à tout le monde. C'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu d'univers du Seigneur des Anneaux. OK. Puis c'est full de gore, tu décapites des orques, c'est écœurant. Ouais, ça a l'air cool. Ouais, c'est cool. Puis sinon, on parle de ça? Sinon, on parle de ça, j'ai retouché pas mal à Diablo. Pas mal down avec Diablo de ce temps-ci. Diablo 3? Diablo 3. Okay, Diablo cool. 2, c'est passé date. Ouais, ça commence à être passé date. Là. Ouais. Ça me rappelle des bons souvenirs. Puis dernière affaire, j'ai commencé à lire la série de manga Akira. Okay. Puis j'ai commencé justement à lire le premier avant de m'en venir, c'est écœurant, le film aussi est très bon. Fait que... Ah ouais? C'est... Bon. T'es lis-tu en japonais? Non! Parce que je comprends rien de japonais! Ah non? Non. T'es non, inculte? Oui, j'ai pogné en anglais, là, fait que c'est vraiment cool. OK. Puis fait que c'est ça pour ta semaine. Ouais. On va y aller avec la nous, toi, ta semaine, grosse semaine cette semaine? Ben non, pas vraiment là. J'ai pas mal joué à WoW puis un petit peu à Lord of the Fallen qui vient de sortir dernièrement. C'est quoi Lord of the Fallen? C'est un jeu un peu à la Dark Soul, Darksider avec du Demon Soul mélangé ensemble. Puis ça, t'as pogné ça sur Steam? Oui, pour 49,99. C'était pas trop cher. Ouais, parce que Lanou, c'est un fan fini de Steam. Il y a tous les jeux qui ont sorti dans l'historique de Steam. Je pense qu'il les a achetés, surtout quand ils étaient pas chers. Toi, c'est ça, t'aimes vraiment ça, acheter des jeux Steam, Lanou? Yes, je préfère acheter ça sur Steam parce que j'ai pas de boîte à traîner chez nous. PC Master Race! Ouais, mais c'est le fun. On avait déjà parlé de ça... Le fait d'avoir les boîtes aussi à la maison directement au lieu d'avoir juste le digital sur l'ordi. Tant qu'à être là, on devrait en parler, JC, ouais, toi. Belle conversation de samedi soir, ça, hein? Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'était bon, cette conversation-là. Ouais. JC, comment t'as trouvé ça? Ben, comment tu trouves ça, toi, ça, les boîtes digitales? Puis... Ben, dans le fond, là, pour résumer un peu, c'est que on disait que l'avenir, ça s'en allait pas mal plus vers le digital, puis que probablement. Il y aurait de moins en moins de jeux physiques, de boîtes physiques. Ouais. Pas mal, les seuls trucs physiques qui allaient rester, c'est les Collector Edition pour les mordus. Là. Ouais. Puis, dans le fond... Opinion là-dessus, toi? Ben, c'est ça. Moi, mon opinion, c'est que, justement, j'achète beaucoup de jeux aussi digital parce que je trouve pas que ça vaut la peine de me déplacer en magasin et puis d'acheter une boîte qui va traîner, peu importe, juste pour un contenu. Ouais. Mais comme à Diablo 3, j'ai pogné le Collector Edition puis je le regrette pas. Là. C'est plein de bons petits goodies là, qui en dedans qui sont le fun là, à ressortir une fois de temps en temps. Là. Ouais, c'est ça. Fait que pour les Collector's Edition, ça vaut la peine. Mais sinon, pour les jeux que tu payes moins cher et que tu joueras pas trop, t'as mieux juste l'acheter digital. Ouais. Puis toi, Lanou, si tu as à peu près la même opinion? Ouais, je trouve que pour les Collector's Edition, ça vaut souvent la peine de l'acheter en magasin parce qu'ils te donnent bien les petites affaires avec qui sont tellement le fun à regarder et à mettre accroché au mur ou n'importe quoi comme des posters. Les petits tapis de souris. Les petits tapis de souris. Toi, Lanou, t'as-tu pogné le Warlord of Draenor Collector? Oui, mais pas version boîte, version digitale. C'est ça, c'est un autre sujet, parce que là, ils font des Collector's Edition, mais digital à Star. Fait que c'est comme, ils sont rendus avec plusieurs choix Il y a le digital normal, le Collector's Edition digital, ou bien le Collector's Edition que tu peux acheter en magasin. Legendary. moi, en tout cas, pour mon opinion là-dessus, je trouvais ça plate un peu que tout ça vient digital, puis que tu payes pour quelque chose que dans le fond, tu n'as rien de matériel. T'sais, on dirait que tu as l'impression de pas payer pour rien, mais tu sais, quasiment, avant, au moins, tu allais au magasin, puis là, tu achetais ton jeu, tu avais la petite boîte, tu arrivais chez vous, déballais la boîte, installais le jeu, ça prenait du temps. C'était un petit rituel dans le fond. Là. C'est comme les petits vidéos sur Internet que tu vois le petit gars qui déballe son Nintendo 64, c'est pareil. C'est ça. Oh my god! Nintendo 64! Tu vois ça? Ça arrivera plus avec les digitales. Il n'y a personne qui va déballer son email avec le code de jeu puis qui va faire wow! J'aimerais bien savoir ça en tout cas. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est un peu plate pour ce côté-là, mais c'est sûr que c'est bon pour l'environnement aussi de juste faire des copies digitales puis pas d'emballage puis tout. Mais en même temps, j'avais entendu dire que c'était moins bon pour l'environnement de juste faire des copies digitales. Je sais pas où j'avais lu un article qui disait ça, faudrait que je le retrouve. Puis il disait que juste ce que ça cause de créer des jeux digitales, ça cause plus de gaz, de n'importe quoi néfaste pour le monde que juste faire des petits emballages. Donc, ça sera un article à aller voir quelque part, là, mais il va falloir que je la retrouve. Je travaille là. Criquet. Ouais, parce que là, sérieusement, je comprends pas ton histoire, là. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, j'ai lu ça. C'est un article, sérieux, là. Puis, c'est ça. Ça a l'air pas d'allure de même, mais quand tu lis l'article, il y a des bons arguments, puis tout, puis ça a l'air de... Ouais. Parce que, il me semble, pour moi, du digital, là, c'est pas mal juste des clés, des petits numéros, là, qui mettent un en arrière de l'autre, puis après ça, c'est parti. Ouais, c'est bizarre. Puis je me rappelle plus vraiment c'était de quoi que ça parlait, mais je sais que j'avais juste retenu que c'était moins néfaste pour la planète Terre. En tout cas, j'ai déjà entendu parler d'une étude quelque part dans le monde qui disait que... Je sais pas c'est quoi les paramètres de l'étude, là, mais... Ça va être une bonne étude. Vas-y, je suis prêt à l'entendre. Bon, on va passer à notre premier sujet. Puis ça, c'est JC qui nous a amené ce sujet-là, vu qu'il a joué beaucoup à la bêta. Il a eu sa clé très de bonheur dans la sortie de la bêta. Je pense qu'il a même eu l'alpha, hein, JC? Non, j'ai pas eu de bêta. OK. Non, il a juste pris de l'information sur l'Internet. Dans le fond, pour l'interrogation, là, il y a juste Ben qui a eu le bêta de Warlord of Draenor. Fait que... Ouais, j'ai eu le bêta. Je suis donc bien chanceux. Puis j'ai quasiment pas joué parce que j'aime mieux attendre le live avant de jouer. Mais anyway, ce qu'on voulait parler, c'était les perks de Draenor qu'on va avoir en levelant nos bonhommes. Puis JC, je voudrais que tu nous expliques un peu c'est quoi ça pour le monde qui ne le savent pas trop. OK. Les perks, là, c'est un super cool feature de l'expansion qui s'en vient. Puis en plus, je trouve que ça n'a pas été parlé beaucoup. Il y a eu beaucoup de spotlight sur toutes les autres affaires, mais pas vraiment là-dessus. Puis en fait, là, qu'est-ce que c'est les perks? C'est que dans l'expansion, ton bonhomme va pas pogner de nouveaux spells, à part ton talent level 100, là, mais mis à part ça, tu vas avoir zéro nouveau spell. OK. Qu'est-ce qui va changer dans le fond quand tu vas leveler? C'est que tu vas pogner des perks selon ta classe puis selon ton spec. Fait que je sais pas à quel intervalle de level tu vas pogner ça, mais tout au long de ton level, là, tu vas en accumuler 3 ou 4. Et rendu level 100, tu vas être capé dans tes perks. Moi, j'ai une petite question pour toi, mon petit JC. Ouais, les perks, comme que tu parles, là, est-ce que tu vas pouvoir les choisir? Pas à ma connaissance. Ils vont vraiment être spécifiques à ton spec et à ta classe. Donc, tu vas les level. Peut-être que tu peux choisir l'ordre dans lequel tu débloques, mais je suis vraiment pas sûr. Là. Non, c'est ça. Moi, j'ai lu ça pour cette information-là. Puis ça va juste être random. Fait que tu as une liste de perks. Je pense qu'il y en a 9 en tout. Puis faut que tu sois chanceux si tu veux les meilleurs en premier. Ça va juste être random tout le long de ton. Que tu vas leveler. Dans le fond, dans tes 10 levels que tu pognes, donc j'imagine qu'ils t'en ont envoyé un à tous les levels gratuits. De 91 à 99. Donc, ça fait 9 en tout. Puis ça va être random. Puis, les perks, là, JC, là, c'est quoi? C'est-tu dans le style de comme Call of Duty, là, tu sais, que tous les perks, quand tu meurs, mettons, tu restes à terre et tu peux shooter quelqu'un. Là. Non. C'est dans ce style-là. Non. Mais c'est quoi de base? T'as-tu un exemple, quelque chose de ça? Oui. Ouais, j'ai un exemple. Les perks, là, autrement dit, c'est plus. Ça va venir amplifier tes habiletés que t'as déjà. Ça va buffer en bon français les habiletés là, que tout le monde possède déjà. Exemple, je vais prendre Ben, ta classe. Ouais, le druide. Resto, wow. Ouais, resto druide. C'est un healer. Toi, t'as un battle res. Non. Un res en combat. Quand ça? Ben oui, je l'ai ici. Quand le monde y meurt. Puis dans le fond, un des perks de ta classe, ça va être de avoir ce battle res-là, mais en instant cast. Ce qui peut venir pas mal utile dans le cas d'un raid, là, quand ça brasse pas mal. Là. Surtout sur Malkorok, là. Ouais. Malkorok héroïque. Mythique Malkorok. Fait quoi, instant cast, battle res, ouais, c'est cool, hein, Chris? Sauf que là, l'affaire, c'est que ça va-tu être disponible dans les raids? C'est comment ça va marcher? Tu les as-tu à l'infini, ça? Quand on va avoir une nouvelle expansion, est-ce qu'ils vont rester là? Comment ça marche? Bonne question! Les perks, là, okay, ouais, c'est ça. Perks, question numéro 1. Les perks, comment ça marche? Ben, dans le fond, ça va être juste appliqué quand tu vas être dans Draenor. Ouais. Fait que toutes les raids qui vont être situés dans le monde de Draenor, ça va être appliqué. Tu vas garder ça en raid, tu vas garder ça en battleground, tu vas garder ça tout le temps. Mais quand tu vas sortir de là, t'es auras plus. Donc, si tu reviens dans les anciens raids ou tu viens dans Ogrimmar, Stormwind, peu importe où est-ce que t'es, t'auras pas ça. Faut vraiment, vraiment que tu sois à Draenor. Ok. Un peu comme les items en ce moment, que si vous regardez vos trinkets de level héroïque ou mythique, si vous mettez votre souris dessus, ben vous pouvez voir qu'à level 91, ben tout le buff que cette trinket-là vous donne, il n'aura plus de ça. Ça ouais, il les enlève, c'est ça. Ben, comme peut-être la cloak, là, on avait mentionné à dernier épisode, que ça reviendrait aussitôt que tu serais level 91, à proc aurait pu. On n'a toujours pas confirmé ça, à moins que tu aies confirmé ça, toi, JC. Non, pas de confirmation. Pas de confirmation, mais ça se peut que ça marche comme les trinkets. À partir de level 91 en montant, la cloak ne marchera plus. Ben, peut-être que le proc va être encore là, mais d'après moi, ils vont juste réduire le dommage qu'elle fait. Ouais, ça se peut. Ça restera à voir. Là. Ça restera à voir. Fait que, ouais, les perks de Draenor, ça a l'air pas mal intéressant. J'ai hâte de voir ça. Fait que là, toi, Ben, comment que t'aimes ça, ce nouveau système-là? Tu penses-tu que c'est quelque chose qui est viable à long terme? C'est quelque chose qu'ils peuvent ramener dans une expansion future? Ou, pour l'instant, ça va être ça? Et peut-être qu'il va y avoir un ability pruning de plus là, à venir, puis ils vont pouvoir commencer à rajouter d'autres habiletés là, par la suite. Là. Ben moi, je trouve que ce qui est intéressant de ça, c'est que ça va être utilisable juste à Draenor. Fait que aussitôt qu'ils vont sortir la nouvelle expansion, ben ces perks-là n'existeront plus, fait qu'ils sont pas pognés avec ça pour les expansions futures. Fait que ça, je trouve que c'est une bonne chose de leur part d'avoir mis ça disponible juste sur Draenor. Puis en plus, ben ça rajoute. Dans le fond, la rotation de ton bonhomme va changer complètement à partir de ces perks-là. Fait que ça, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de tester ça un peu. Toi, Lanou, comment que t'aimes ça, ce système-là? Ben, moi, je trouve ça intéressant aussi. Là. J'ai hâte de voir ça. Ben m'en a parlé un peu cette semaine qu'un pali, parce que je joue bien un paladin. Et Rhett, ouais. Un DPS en passant. Et c'est ça, Ben me parlait qu'un judgment qui pourrait spreader sur toutes les mobs. Ouais, mais je te donnais ça en exemple. Là, non, dans c'est le pas sens grave, que... mais je trouverais ça intéressant, disons. Ça ouais. Ferait augmenter peut-être le dommage qu'on fait de plus en ce moment. Ouais, mais c'est ça. J'ai hâte de voir s'ils vont les changer aussi d'ici le début de l'expansion. Mais je pense que là, ils sont rendus à un point que tout est pas mal balancé. À 8 jours de l'expansion en ce moment. Avez-vous out, les gars? Oui! Capable d'attendre. Hey, Siege of Agrimmar, on l'a-tu assez fait? Oui. Plus capable. Plus capable. Là, aussi, ce qu'il va y avoir de nouveau, là, les Ancients, ils vont être différents. Ils vont être différents. Différents. Au lieu de que ça soit les vieux pieces comme d'habitude, là, les gants, les bracers, les legs, tout, ça va être changé, puis ça va être des nouvelles slots qui vont être enchantées. T'as-tu la liste, toi, JC, de... Ouais, mais dans le fond, là, on rentre un peu dans notre deuxième point, là, c'est la nouvelle customization des stats, là, ou si tu veux, comment on va pouvoir plus gérer un peu les statistiques qu'on utilise sur notre bonhomme. Puis en fait, à l'expansion, ça va seulement être les stats secondaires là, qu'on va pouvoir un peu plus gérer. Là. Donc, dans les gems, dans les enchants, dans bouffe, t'as plus de primary stats, t'as plus d'intellect, t'as plus de agility, plus de strength, c'est fini là, ce temps-là. C'est vraiment juste des secondary. Là, ça va être juste sur les pieces que tu vas te retrouver avec de l'agilité, intellect. Exactement, exactement. Ça va être ta seule source et peut-être des trinkets qui vont proquer, etc. Là. Ok. Ouais, c'est intéressant ça. Puis dans le fond, comment ça va marcher, c'est que à l'expansion, tu vas seulement avoir trois façons de gérer un peu tes statistiques avec les gems, avec les enchants et avec la bouffe que tu vas manger. Ouais. Parce que là, tu n'auras plus de bouffe d'intellect, que c'est sûr que ça va être elle que toi tu vas prendre. T'sais. Ça va être que tu vas pouvoir choisir à travers les secondary stats. C'est ça. C'est, ça va peut-être être la bouffe de multi-strike, exemple, ou de la bouffe de crit. Mais tu vas te retrouver tout le temps à prendre celle qui est la meilleure pour toi quand même. Ouais, nécessairement. Ouais. OK. Puis là, dans le fond, les gems vont être pas mal moins présents que durant l'ancienne expansion. Ben, la présente expansion, plutôt. Oubliez ça, c'est fini les pieces avec deux slots. Et aussi, il n'y aura plus de couleurs pour les gems. Autrement dit, tous les trous de gems d'un piece, ça va être des prismatiques. Ouais, ouais, exact. Tu vas pouvoir mettre n'importe quelle couleur que tu veux dedans. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Moi, pour ça, pour ce point-là, des gems, là, j'avais entendu dire un peu qu'ils voulaient essayer de mettre les gems un petit peu plus rares pour te donner. Comme quand tu pognes un piece avec un trou pour mettre un gem dedans, que tu sois vraiment content puis que tu sentes que le piece il va être plus fort. T'sais. Comme dans Diablo, pour ceux qui le jouent, quand tu pognes un weapon avec une place pour un gem dedans, tu sais exactement là, qu'il va être vraiment fort. Là, fait que je pense qu'il voulait essayer de mettre un peu le même sentiment dans WoW. Puis ça, je trouve ça cool. Mais je pense que ce qu'il essaie de faire avec ça, c'est que un peu qu'est-ce qu'on a en ce moment comme les Warforge weapons. Ouais. Mais autrement dit, là, ton nouveau Warforge, ça va être une piece qui est socketée, tu sais. Fait que t'as une chance de pogner exactement le même gear, pas de trou de socket, ou de le pogner, si t'es chanceux, avec un socket. Mais question comme ça, est-ce que les stats primaires, dans le fond, strength ou intellect, vont rester pareils sur les items socketés, ou ils vont être différents? J'ai mal compris la question. Dans le fond, ce que je voulais dire plus précisément, c'est que, comme JC disait, que vous allez pogner soit un piece avec pas de socket qui avait des stats primaires bien normales. Ouais. Si d'après ça, tu peux avoir un item comme un peu upgrade parce qu'il y a un socket dedans. Sauf que les stats sont-tu les mêmes que celui qui est normal, mettons que tu qu'il n'y a pas de socket dedans ou... Ça serait supposé, parce que s'ils font ça pour que quand tu pognes un gem, tu sois content parce que tu vas sentir que le piece est plus puissant, ben normalement, ça serait pas d'enlever des stats qui soient moins forts en partant puis qu'avec le gem, ça s'égalise. Ça serait que vraiment, tu mets ton gem puis là, tu sens qu'il est plus fort. Fait que moi, je pense que ça va être ça. C'est ça. Avec moi aussi, un peu avec la logique de la chose, là, ça... D'après moi, ça va être les mêmes stats, mais le socket va être un gros plus, là, puis tu vas vouloir voir ça. Là. Ouais. Si tu pognes le même piece deux fois, mais que tu le pognes socketé, tu vas vouloir le changer, là, peu importe ce qui arrive. Là, sinon, aussi, tu parlais de Warforge, là, le Gear Warforge. Est-ce qu'il va avoir ça, un équivalent à l'expansion? T'as-tu regardé? Écoute, j'ai pas entendu parler vraiment de ça, mais mon guess là-dessus, c'est que ça va être les sockets qui vont prendre la place. Là. C'est vraiment mon guess, mais je sais pas. Là. Parce que j'avais entendu dire dans un podcast, mais je suis pas certain à 100%, mais que le monde avait bien apprécié ça. C'est fiable. Je veux pas dire 100%, puis que là, après ça, on en reçoit plein d'emails. J'ai entendu dire de quoi monde. En Russie, à peu près 2% sûr là, que... Mais que le monde avait bien aimé ça, les Warforged, fait que... qui allait les remettre pour l'expansion. Sauf que, comme je dis, je suis pas sûr à 100%. Fiez-vous pas à ça à 100%. On va découvrir aussi quand on va commencer à raider. Je suis pas sûr à 100%. 100%. Comme quand j'étais à l'école. Ça arrivait pas souvent. Français 3. Français 3, hein, mon JC? Oui, fier partenaire de français, moi et la nuit. Gay. Je pense que j'ai déjà eu un 100% pour de vrai, puis c'était dans un cours de religion. Oui, OK. Fait que là, pour en revenir à nos customizations de stats, OK? Ouais. Une grosse nouveauté, on va avoir deux levels d'items ou de gems d'enchant et de food ou de manger en bon québécois. De nourriture. Deux levels. On va avoir du manger. On prend pas ton comment ça, petit deux levels. OK. Hein? Ça va comme suit. Autrement dit, tu vas avoir une qualité qui est plus facile à obtenir, mais qui est un petit, qui est pas, mettons, moitié moins efficace d'un gem ou d'un enchant donné, qui d'après moi va être accessible à travers les garrisons d'à peu près n'importe qui sans que tu aies la profession. Ouais. Ensuite, là où c'est que ça va devenir intéressant, c'est si tu possèdes la profession, toi-même, tu vas être capable de crafter le niveau ultime, dans le fond, que c'est le meilleur niveau, tu n'as pas de meilleur enchant ou gem ou même de bouffe qui va être aussi bon que ça, c'est le top. Fait qu'en faisant ça, ils vont garder un peu la valeur d'avoir une profession. Là. Fait que, mettons que tu ne veux pas dépenser d'argent, tu vas pouvoir prendre qu'est-ce qu'il y a dans ta garrison en levelant, exemple. Mais lorsque tu vas vouloir faire du raid là, un peu plus intense, là, ça va te prendre les deuxièmes levels, ouais. Là, si on peut dire. Sauf que c'est ça. Moi, je trouve pas. Je sais pas comment que ça va être, mais je trouve que ça va être un peu inutile. Parce que, tu sais, combien de fois tu mets un gem, comme en ce moment, dans ton gear, que tu mets un gem qui est vert, tu sais, qui est moins puissant qu'un bleu, puis que tu vas payer comme 10 gold de moins à l'auction house, tu sais. Qui fait ça, tu sais? Il y a personne qui fait ça. Ben, tout le monde achète les meilleurs. En levelant, tu vas pouvoir faire ça. Ouais, t'es en levelant, sauf que. On s'entend, là, le monde prend les meilleurs gems tout le temps, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça sert à quoi de faire. Les qualités de gems moins bonnes, si tu les feras jamais? Ben, moi, je pense que je sais un peu la réponse à ça. Là. D'après moi, c'est pour les professions. Les Jewel Crafters vont pouvoir créer l'ultime dread en partant. Et ceux qui n'ont pas cette profession-là, ben, ça sera avec la guérison, puis pendant le leveling, là, j'imagine. Ouais, d'après moi, c'est juste pour. Faire taire le monde, là. C'est comme, OK, tu voulais avoir toutes les professions, mais tiens, avec la guérison, tu peux faire une couple de trucs, mais tu peux pas faire les meilleures choses, tu sais. Fait que c'est comme, juste pour que le monde se ferme la gueule, tu sais. Ouais, fait que concernant ça, les gars, moi, je voulais savoir un peu votre idée de pourquoi ils ont fait la transition à ce nouveau système-là par rapport au système qui était déjà existant dans l'expansion de Mists of Pandaria. Dans le fond, c'est quoi qu'ils ont poussé à faire ce move-là, là? Moi, sérieusement, j'en ai aucune espèce d'idée. J'ai pas vraiment lu là-dessus. Fait que, pour vrai, d'après moi, c'est juste pour baisser un peu le niveau de profession. Je trouve qu'ils ont beaucoup nerfé. Ce que tu veux dire par ils ont nerfé des professions? Ouais, mais tu sais, t'as beaucoup moins de choses à créer, à vendre. Je veux dire, je pense que l'Auction House, ils essaient de peut-être pas l'enlever, mais que ça soit moins utile. Si, admettons, quelqu'un qui joue pas pour le gold à ce jeu-là, ben, qu'il puisse avoir quand même des choses plus fortes et plus intéressantes. OK, fait que dans le fond, il aurait fait ça pour le monde très casual, qui ont aucun gold, qui veulent rien acheter à l'Auction House. Comme ça, ils peuvent tout faire par eux-mêmes sans payer un gold, dans le fond. Ben, peut-être pas sans payer un gold, là, mais t'sais, quand même, c'est comme un peu une façon, je trouve, de peut-être farmer, comme un peu, peut-être JC va le savoir de quoi je vais parler, Burning Crusade, c'était pas mal axé sur le farming. Eh oui. Ouais, c'est ça, fait que permettre de peut-être moins farmer, puis pas avoir besoin de dépenser des millions de gold dans l'auction house juste pour mettre une coupe de gem. Puis moi, c'est un peu ça que je pense aussi. Puis sinon, comme que je viens de dire, là, pour faire taire le monde qui trouvait que c'était plate de tout le temps acheter à l'auction house. Puis qui voulait faire eux-mêmes toutes les choses sans leveler de 10 autres halles pour avoir toutes les professions. Fait que en même temps, ils vont pouvoir faire des choses avec ça, sauf qu'ils ne feront pas les meilleurs. Puis qu'est-ce que tu penses, mettons, de. Ils ont fait des garrisons, c'est cool, mais là, whoops! Faut qu'elle serve à quelque chose, ma garrison. Moi, je vois, en tout cas, un lien direct avec ça et les garrisons. C'est lié ensemble pour moi dans ma tête. Ouais. Que je sais pas si c'est juste moi ou si vous autres aussi, vous voyez un peu ça. Parce que si on n'a pas ça, on vient de couper là, d'au moins de moitié la fonctionnalité des garrisons. Ouais. t'es obligé d'avoir la Garrison pour avoir, mettons, faire les plus gros gems avec ta profession. Faut que t'aies absolument la Garrison, puis en plus, la profession au max. J'ai aussi lu, dans le fond, excuse-moi de te couper, Ben, là, mais j'ai aussi lu sur Warhead, dans le fond, sur la Garrison, j'ai regardé ça sur la nouvelle patch. Il y avait comme trois sortes de Garrison, je sais pas trop, là, un pour le raid, un pour le PVP, puis un pour le gold farming, ou des affaires comme ça. Tu peux-tu m'éclaircir là-dessus ou t'as pas lu pendant tout? Ah ben, il y avait trois niveaux de Garrison, tu veux dire? Trois... Non. Si, parce que sur Warhead, c'était marqué que tu peux avoir une Garrison pour le raid, tu peux avoir une Garrison pour le PVP, parce que c'est pour comme qu'est-ce que toi tu veux faire dans le jeu. Ouais. Si, mettons, t'es plus axé sur le PVP, mais t'auras pas de garrison de raid, parce que ça te donnera absolument rien. Ouais, c'est dans le fond, c'est que tu peux monter ta garrison de la façon que tu veux. Si tu veux faire du gold, mais tu vas pouvoir mettre des bâtisses qui vont t'aider à faire du gold. Si tu veux juste collecter des mounts, ben tu peux mettre des bâtisses qui vont t'aider à collecter des mounts. Tu vas pouvoir la personnaliser à ton goût. Je sais pas comment ça va fonctionner, par exemple. Je l'ai pas vraiment essayé dans le bêta. J'ai pas lu vraiment sur Internet pour les garisons. Je pense qu'on avait déjà parlé dans un autre épisode, puis on n'a pas pris ben plus de... L'épisode perdu! Ouais, la première vrai épisode qu'on n'a pas, en tout cas. Mais c'est ça. OK, c'est bon. Mais pour vrai, pour les perks, puis dans le fond, des gems et tout ça, là, d'après moi, c'est juste à leur rapport avec la garison. C'est sûr que la guérison va jouer un grand rôle dans la prochaine expansion, puis j'espère que ça va être le fun à faire, que ça sera pas une corvée, puis qu'il va falloir que tu le fasses sur toutes tes haltes, puis que ça va être l'enfer. J'imagine que non. Ça. Je pense que, si, comme tu disais, que tu peux la personnaliser comme tu veux, j'espère juste que les daily quests, là, ou j'imagine les weekly quests qu'ils vont mettre, là, que ça soit pas trop boring, là, comme... tout le temps faire la même petite quest à tous les jours, là, ouais. À un moment donné, ça devient tannant. Mais dans la dernière expansion, je me souviens, au début, il y avait sorti pas mal de daily quests, puis il y avait quand même une bonne rotation. Là. Tu pouvais passer quand même 2-3 jours, mettons 3-4 jours même, là, sans refaire les mêmes quests. Tu avais plusieurs centres de donneurs de quests là, différents. C'était bien, là. Je pense qu'ils ont vu que oui, les daily quests, ça pouvait quand même marcher, mais que ce soit pas les mêmes à chaque jour, je pense que c'est super gagnant, puis... Moi, j'ai trouvé que c'était bien quand même. Fait que, d'après moi, ils vont y aller dans ce sens-là, là, la prochaine expansion. Ouais, mais tu sais, en même temps, quand tu répètes tout le temps la même série de quests, ben, tu sais à quoi t'attendre, tu sais quoi faire. Tu sais, comme tu fais ça par automatisme. Mais là, quand ça change à chaque fois, t'es comme, bon, là, je vole où, c'est où faut que j'aille, puis là, faut que tu voles à travers le monde, puis tu sais, c'est comme chiant en même temps. T'sais. Tu peux pas voler, Ben, faudrait que tu walk. Va falloir qu'on marche à Draenor. Pas de flying de prévu, en tout cas pour l'instant. Méchant beau segway, là, nous. Ouais, Chris, on va parler de ça, t'inquiète là. On avait un débat là-dessus sur le flying puis les ground mount. Là, dans le fond, à Draenor, on pensait, pas mal tout le monde, qu'on n'allait pas pouvoir voler pour tout le temps qu'on levelait notre bonhomme. Mais quand on allait arriver 100, on allait pouvoir voler. Mais non! Pour l'instant, il n'y a rien de planifié, puis on pourra pas voler de toute l'expansion. Peut-être qu'ils vont l'ajouter dans une patch, peut-être pas non plus, sauf que pour l'instant, on peut pas voler. Puis là, il y a un débat qui sort là-dessus, parce qu'ils ont mis ça pour que le monde explore. Parce que quand tu es sur une ground mount, tu prends le temps de regarder le paysage, tu prends le temps de regarder tout le beau travail du monde qui travaille pour le artwork. OK? Mais puis quand tu es dans les airs, que tu voles, mais là, tu prends pas le temps de tout explorer ça. Fait que, dans le fond, ils enlevaient le flying pour permettre d'explorer. Puis là, ça lance un débat. Ça vaut-tu vraiment la peine de mettre un ground mount pour explorer puis empêcher que tu puisses voler avec une flying mount? JC, tu trouves que ça vaut la peine, toi? Écoute, moi, qu'est-ce que je pense là-dessus? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les dernières expansions à partir de Burning Crusade, là. On revient aussi loin que ça. Ouais. Que pendant que tu level, c'est ton ground mount où tu marches à pied, là, tu te déplaces de point A à point B comme ouais. Ça. Une fois que tu es rendu max level, ou presque, là, dans le cas de Burning Crusade, c'est pas loin du max level, là, on te donne l'habilité de voler. Je pense que ça, c'était assez parfait là, comme système. Là, parce que en réalité, c'est quand tu explores le plus le jeu, c'est quand tu fais tes quests. C'est quand tu es sur le terrain, tu fais tes quests, tu te promènes d'un point A au point B, ramasser tel truc. Surtout qu'il avait parlé que l'expérience qu'ils ont créée avec le Timeless Isle, ils allaient essayer d'un peu incorporer ça dans la prochaine expansion. Ouais. Donc, tu vas avoir des affaires à découvrir. Ça va être un petit peu plus payant d'aller dans des coins de la map un peu plus racoins, si je peux me permettre l'expression. Là. De découvrir des places un peu plus cachées, des cavernes, etc. Ça peut être un peu plus payant. Mais ça, tu vas le faire pendant que tu level. Ouais. En tout cas, moi, je me souviens pas la dernière fois que j'ai quitter la ville ben au max level là, sinon pour faire quelques daily quests pour de la rep là, plus ou moins là. Mais ouais. Tu restes quand même stationnaire dans la ville puis tu fais des donjons, tu fais des raids, tu fais du PVP, peu importe, mais c'est pas là que tu explores le plus. Fait que, en questant, c'est idéal selon moi de oui avoir juste du ground mount, c'est très bon. Qu'ils le mettent pas, ça me surprend, je suis surpris de ce nouvel là honnêtement. Ouais. Mais garde, j'imagine que ça va pas changer tellement d'affaires puisqu'on va quand même être dans la grande ville à queuer pour des trucs là. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que ça te dérange pas trop d'avoir le flying, de pas avoir de flying à Draenor. Ben ça me gosse un peu. Ça me gosse un peu, ouais. Mais écoute, c'est pas si pire que ça pareil. Là, mais je comprends plus. C'est plus je comprends pas le move. Je vais dire ça comme ça. Ouais, parce que ça sert pas à grand chose. Puis en plus, quand il va falloir que tu fasses des grosses distances. Ben, tu vas pogner un flight path, là, tu sais, on s'entend, tu iras pas en ground mount traverser 4 territoires, fait. Puis en faisant ça, en l'utilisant le flight path, ben, je trouve que t'explores pas vraiment, parce que le monde qui pogne un flight path, c'est quoi qu'ils font? Alt-tab, ils s'en vont sur un autre site, regarder des vidéos, le temps qu'il y arrive. Ah, je vais aller me chercher un petit verre d'eau, puis tout, tu sais, fait que t'explores pas pantoute en prenant le flight path, fait que je trouve qu'encourager le monde à prendre le flight path, ça encourage pas le monde à explorer. Puis un autre point que j'avais, c'est que, je veux dire, quand tu voles, tu le vois, là, le paysage, à moins que tu voles jusqu'au maximum que tu peux aller, puis que tout ce que tu vois à terre, c'est du gris. Ouais, mais Ben, quand tu voles, là, tu fais autorun, puis tu fais altab pareil. Ben, en tout cas, moi, je check un petit peu plus que quand que... J'ai un flight path. Là. Ouais, là, un ça, flight c'est path, sûr, tu as le tab et tu reviens quand tu veux, puis tu es sûr qu'il est rendu à destination. Là. Sauf que quand tu voles, tu as le tab 2 secondes, faut que tu reviennes, tu recheck. Tu explores un petit peu plus de même qu'avec les flight paths. Fait que moi, je trouve pas que voler, ça empêche le monde d'explorer. Mais c'est sûr que s'ils ont dans la mentalité de faire comme le Timeless Isle, mais un peu partout à Draenor, ben, ils peuvent pas se permettre trop de mettre le monde qui vole partout parce que. Ils vont juste, je pense qu'ils vont juste voler partout, puis ils vont se déplacer trop vite, ils vont faire les choses trop rapidement. Puis Blizzard aime pas ça quand on fait les choses trop rapidement. Toi, Lanou, par exemple, pour ce point-là, t'avais-tu une opinion? Ben, moi, je trouve, je suis un peu comme JC, avec les expansions d'avant, et moi, je me rappellerai toujours de quand que... Cataclysme est sorti, puis que moi puis Ben à minuit, même pas, je pense 3h du matin, on se log, puis on va acheter notre Flying Mount pour voler à Agrimmar, puis voler le plus haut possible, puis regarder la ville au complet. Ça, je pense que c'était notre meilleur moment à vie dans World of Warcraft. Sauf que c'est sûr que je comprends aussi un peu le Ground Mount pour leveler, je trouve ça bien correct. C'est sûr que les flypads, je vais dire comme toi, Ben, ça alt-tab, puis on s'en fout, là, on regarde pas ce qui se passe alentour. Tant que ton bonhomme est rendu à la bonne place, après ça, tu recontinues ton chemin sur tes quests. Ouais. Puis je comprends pas non plus pourquoi ils veulent pas le rajouter quand tu tombes level 100 pour Draenor. Ben, ils vont sûrement le rajouter, mais c'est pas d'implant pour l'instant, mais tout le monde doute qu'ils le mettront pas. Là. C'est sûr qu'ils vont le mettre. Ben, j'ai peut-être une... pas une solution, mais je dirais peut-être parce qu'ils veulent pas que quand tu tombes level 5, tu commences à ganker direct en partant pour les nouveaux joueurs, peut-être. Mais ça m'étonnerait bien gros. Le monde qui ont à ganker, ils vont trouver le moyen de le faire. Oh oui, surtout sur un serveur PVP, hein? Ben, t'as voulu être sur un serveur PVP? Fais-toi tuer par un max level, c'est juste normal. C'est juste normal. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Moi, je passe mes journées à aller tuer des low level. C'est vraiment le fun, tu sais. Puis c'est du combat, là, vraiment fair, tu sais. Ouais, ouais, c'est vraiment fair, hein. C'est... Ben, c'est sûr que c'est le fun quand t'as levelé. Puis que tout le long que tu t'es levelé, tu t'es fait ganker, man, sans arrêt. Tu dois être mort comme 100 fois. Quand t'arrives au max level, c'est sûr que tu t'en vas le refaire, là. Tu sais, peut-être pendant. 20-30 minutes. 4 jours. 20-30 minutes, mais après ça, t'arrêtes, tu le fais plus jamais. T'sais. Fait que s'il y a du monde qui font ça sans arrêt, trouve ça un petit peu con, mais t'sais, si c'est ça qu'ils aiment faire dans le jeu. Non, mais c'est pas le fait de se faire ganker qui fait chier, c'est le fait d'attendre de raiser. Ouais, ça, Blizzard, ils l'ont bien réussi, ça. Ils voulaient que quand tu mourais, ils voulaient que ça te fasse chier, là. Puis le bon moyen qu'ils ont trouvé de ça, c'est qu'il faut que tu te retournes chercher ton corps. Puis en plus, à cette heure, tu peux même plus voler pour aller chercher ton corps. Il faut que tu y ailles à pied. Puis tu roules, tu marches à 1 km/h. Puis ils mettent les graveyards dans les pires places de l'humanité, man. En plein milieu des montagnes, man. En tout cas, ça fait chier, man. T'es assez poche pour crever, t'es assez poche pour attendre. Ouais, c'est ça. Tu meurs, marche, esti. Il y a un autre débat aussi qui parcourt pas mal l'Internet ces temps-ci pour les jeux vidéo. C'est que le monde trouve qu'il n'y a pas assez de héros féminins dans les jeux vidéo. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? On va commencer avec Lanou, faire différent. Désolé, JC. C'est quoi ton opinion, Lanou? Oui, mon opinion, ben, je suis pas vraiment un gars qui va jouer des héros féminins. Fait que pour moi, ça me dérange pas. Plus ou moins. Ben, c'était pas le fait de jouer un héros féminin, parce que la plupart des jeux, ils l'ont, cette option-là. C'est plus que, mettons, dans les histoires de jeu, le personnage fort, ça va être la plupart du temps un homme fort, musclé, ultra fort, que tout le monde s'identifie à lui. Mais il n'y aura pas un personnage féminin qui va être ultra fort de même, ou très peu. Ben, moi, j'en connais une, là. OK, il y en a très peu, OK? Sauf que le monde, il chiale de ça, parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais, mais le monde qui chiale de ça, c'est-tu des hommes ou des femmes? Parce que, sérieusement, s'il y a beaucoup de filles qui jouent à des jeux vidéo, il y a toujours un personnage féminin dans n'importe quel jeu. Moi, j'imagine que c'est plus des femmes qui se plaignent de ça, mais il y en a aussi des hommes qui peuvent trouver qu'il n'y en a pas assez pareil. Là. Je veux dire, ça te dérange pas. Dans le fond, c'est d'avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu trouves qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que tu trouves qu'il y en a bien en masse? Les développeurs font déjà une bonne job. Il y en a-tu trop? Ben, moi, je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez. Pour vrai, je vais revenir là-dessus. Là. Mais pense toi, ça te dérange qu'il n'y en ait pas assez? Non, vraiment pas. Moi, c'est parce que je suis un homme. Fait que, tu sais, un héros, pour me rallier... au héros que je joue, ben, j'essaie de le faire plus à mon image. Fait que je suis pas porté à aller vers la jambe féminine. T'sais. Sens-tu que si le héros, ce serait un personnage féminin, tu t'identifierais peut-être un peu moins à ce personnage-là, puis tu trouverais le jeu overall moins bon à cause de ça? Je trouverais... Ça dépend. C'est sûr que si le gameplay puis tout est poche, ben, je vais trouver le jeu plate. Mais si, dans le fond, l'histoire change pas puis que tout est pareil, non, je vais aimer quand même le jeu. C'est la seule chose. C'est sûr que je vais voir ça comme plus un héros extérieur. Fait que dans le fond, toi, femme ou homme, ça te dérange pas. Tant que le jeu est bon, tant que l'histoire est bonne, ça marche. Fait que toi, tu trouves que c'est bien correct comme accès en ce moment. Puis on n'a pas besoin de plus, pas besoin de moins. C'est bien correct comme qu'on fait là. Puis le monde chiale pour rien. C'est une gang de chialeux. C'est ça. Puis en plus, je suis bien placé pour ça parce que moi, je suis un gars frustré à tabarnouche. Fait que... Ouais, ça paraît pas, là. Il a l'air les posé ce soir, là. Mais c'est le gars le plus chialeux de la planète. Là, il a comme bu un petit café, là, il relaxe, là, il est pas fru, mais attendez à la fin de l'émission aussi, il va être en tabarnak. Mais toi, JC, ton opinion là-dessus? Bon, moi, premièrement, là, je trouve que si on est rendu à débattre sur le fait s'il y a trop, pas assez de personnages féminins dans les jeux, etc., blablabla, je pense parce qu'on a des sapré bons jeux qui sortent, et le monde, il cherche des défauts, puis il gratte des bobos, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Là. Ouais. C'est que, tu sais, dans le temps, là, genre 2002, là, un jeu sortait, y a-tu des beaux graphiques, y a-tu du bon son, le gameplay, y a-tu tight, Puis genre, est-ce qu'on peut rejouer avec une fois qu'on l'a passé? C'était des critères, là. À ça, ouais. On jase, y a-tu assez de femmes dedans? Blablabla. Garde. Moi, personnellement, je trouve que c'est du niaisage. Ceci étant dit, il y a beaucoup de jeux, OK, qui sont sortis dernièrement ou au fil de la dernière décennie. Il ouais. y a beaucoup de jeux qui ont des héros féminins assez forts dedans. Notamment? Ben, tu sais, un des plus connus, je vais ouais. avec les Tomb Raider, Lara Croft. Ouais, ouais. Personnage très connu, personnage très fort. Mais, en même temps, désolé de t'interrompre, la fille aussi, elle a des traits pas mal... Je veux pas dire ben, comme une pute un peu, tu sais, on s'entend là, les grosses boules puis tout là, super sexy puis tout, puis ça le monde y chiale là-dessus aussi là, fait que ouais. tu sais, s'ils font des héros féminins forts puis tout, ben ils ont tout le temps cette allure là. Comment tu okay. trouves ça? Mais ben, je vais donner un autre exemple. OK, la meilleure série de jeux de tous les temps, OK, les Mass Effect. OK, dans Mass Effect, tu as la moitié de ton team qui est des personnages féminins. Oui, tu en as une ou deux pitounes, là, mais généralement, c'est des personnages bien proportionnés, quand même réalistes. Là, ben, quand même réalistes pour des jeux vidéo. Là, ils ont quand même des grosses boules. Oui, mais le point est, c'est que c'est plausible, mettons, comme bonhomme. Puis les extraterrestres femelles, c'est aussi hot. Ouais. Et toi, c'est un RPG, donc tu as le choix d'incarner un personnage femelle. Ben, femelle. Une femme. Oui. Une femelle, c'est une macho. Excusez. Okay, on va sentir un peu de féministe ici. Mais... T'as le choix d'incarner un personnage femme ou homme. Puis, selon le choix, c'est un deux games là, quand même différents. Là. Moi, j'ai fait l'expérience une game avec un homme, une game avec une femme. Et je peux te dire que j'ai fait ma femme. À mon goût, assez badass, c'était cool. Là. Ouais. C'était cool quand fait même. Que, pis... Tu te mettais comme à sa place, c'est ça? Ben, j'avais quand même pas de misère à m'identifier au personnage. Un peu qu'est-ce que toi, tu rapportais. T'as besoin d'avoir un personnage un peu plus à ton image, peut-être pour t'identifier. Mais moi, je voyais pas ça comme un obstacle pour m'identifier à mon personnage. Là. Non, non. Mais dans le fond, tu sais, si on ramène ça un peu... à World of Warcraft, c'est un RPG, puis t'as la chance là-dedans d'incarner le personnage que tu veux, de le personnaliser comme tu veux, et un peu faire partie de l'histoire. Si tu décides d'être un personnage, une femme, undead female, par exemple, ouais. Tu peux le faire. Il y a personne qui t'empêche de ça, puis garde, c'est au choix du joueur. Mais là, dans l'histoire, à Star, est-ce qu'il y en a des personnages forts? Ben, puis dans WoW... Il y en a beaucoup. Ben, dans WoW, c'est ça. Moi, je regarde. Off the bat, tout de suite, là, je te dirais, il y a Jaina Proudmoore, là. Ouais. Elle est assez hot, merci, là. Pis, Lady Sylvanas. Et puis, ouais, aussi les Forsaken, là, la chef des Forsaken, les Sylvanas. Mais Jaina Proudmoore, là, elle est hot, là. Ouais. Puis, je te dis, dans cette expansion-ci, moi, je pense qu'elle va finir par péter sa coche et ça va être lettre, là. Vraiment, là, elle l'a sur le cœur, la bombe de la mana bombe de Terramore, là. Elle l'a sur le cœur, puis ça. J'ai vraiment hâte de voir cet arc d'histoire-là évoluer, puis voir qu'est-ce qui va arriver avec elle. Ouais. Lanou, tu veux-tu nous parler peut-être un peu plus de Sylvanas? Comment que ta voix? Pourquoi c'est un personnage fort pour toi? Ben, au début, c'était une humaine. Elle s'est faite tuer par le Lich King Arthas. Ouais. Et il l'a fait bannir du monde et est devenue. Comment on dit ça? Banshee Queen. Elle s'est rebellée contre le Lich King et est rendue la chef des Forsaken. Puis je la trouve badass parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu, on dirait qu'il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Elle va tout faire pour détruire. Puis elle s'est un peu rebellée de la Horde aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ça a passé proche que les Undead soient plus dans Horde, là, à ce que je me souviens. Là. Ouais. Puis toi, t'aimes ça, dans le fond, que ça soit une femme qui ait pris toute cette position-là. Là, parce que ça aurait été un homme. Ça aurait-tu été mieux? Ben, pour World of Warcraft, moi, je trouve pas. Je trouvais que l'histoire qu'ils ont mis par rapport à ça valait la peine d'être lu et écouté. Ouais. Mais, tu sais, que ce soit un homme ou une femme, je pense que ça aurait été aussi badass l'un de l'autre. Moi, en tout cas, je trouve pas qu'il manque de femmes dans les histoires. Mais là, c'est sûr que dans Warcraft, ils ont toujours fait une bonne job là-dessus. pour les autres jeux, je le sais pas. Là. Peut-être les jeux comme Call of Duty, Battlefield, ouais, c'est souvent plus des hommes. Sauf qu'à la guerre, tu sais, à la vraie guerre, oui, il y a des femmes, mais c'est, en majorité, c'est souvent des hommes aussi. Fait que c'est, ils essayent de refléter la réalité en faisant ça. Mais pour Warcraft, je trouve qu'ils font une super bonne job. Puis peut-être l'autre point, c'était juste que toutes les femmes étaient toutes vraiment parfaites. Puis le monde chialait, il pourrait faire des femmes pas parfaites, puis tout. Sauf que ça, je trouve que c'est juste... Dans le jeu, même les gars, tu sais, sont très musclés. Ils ont tous l'air super badass. Tu sais, ça fait partie du jeu. Ça a toujours été de même. Puis, tu sais, tu veux pas avoir un gros poilu, assis sur une chaise d'ordi. Puis c'est ça ton bonhomme, là. Tu veux t'identifier au bonhomme. Tu veux qu'il soit fort. Tu veux qu'il ressemble à ça. Puis moi, je trouve que c'est juste... C'est incorporé dans le jeu. Ça a tout le temps marché de même. Puis je trouve ça correct, là. Moi, je trouve pas qu'il faudrait qu'il change ça. Là. Mais si tu regardes un peu l'historique de Blizzard, cette compagnie-là en tant que telle, je pense que eux, dans pas mal tous leurs jeux, ils ont fait une très bonne balance là, de justement des personnages féminins versus masculins. Ouais. Là. Je pense juste à Sarah Kerrigan là, dans l'univers de StarCraft. Là. C'est le personnage le plus fort pratiquement à travers chacune des franchises. Là. C'est un des personnages forts de la compagnie. C'est une femme, là. Rien de moins. Là. Puis t'avais Nova aussi pour un jeu bon qui a été cancellé, mais c'était quand même l'héroïne, là, tu sais. Ouais. Mais penses-tu qu'ils ont fait ça aussi pour faire taire ceux qui chialent qu'il n'y a pas assez de femmes dans les jeux? Penses-tu qu'ils font ça de même ou ça vient juste naturellement? OK, hey, elle, ça va être une femme, ce personnage-là, parce qu'on sent que c'est ça qui est ça, ou bien c'est juste, oh, on va peut-être mettre t'sais, une petite femme-là, parce que là, il commence à pas de noir gros dans le jeu. T'sais, un peu comme les publicités à télé, t'sais, on va mettre un noir, un chinois, oh, une fille, puis un petit pour faire taire la majorité du monde. Penses-tu que c'est un peu ça qu'ils font, Blizzard? Ou... Non, je pense pas, parce que si on prend l'exemple de StarCraft, fallait qu'il y ait une espèce d'histoire là, d'amour-haine entre Jim Raynor et Sarah Kerrigan. Si ça prenait ça, c'est une petite touche, mais ça change tout. Là. C'est, ouais. C'est le jour et la nuit. Là. Puis si on prend aussi un peu dans les Diablo, dans Diablo 3 qui est sorti. Ouais. Bon, spoiler, si vous n'avez pas joué, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Là. Diablo, c'est il prend possession du corps de la nièce à Deckard Cain, dans le fond. Puis. Ouais. Au début, j'étais comme, ouais, c'est pas sûr, tu sais. Diablo avec des boobs, il est tout petit, dégueu, pas sûr. Mais c'est vraiment hot là, comment ils ont fait ça, parce que tu prends la petite fille, tu sais, c'est une adolescente, elle est toute frêle, elle est pas vraiment forte, là. Elle devient comme possédée, ça devient genre The Beast à tuer. C'est une super belle dualité, puis c'est hot à voir ça, là. Que, non, je pense qu'ils font une bonne job, puis ils n'ont pas d'affaire à répondre à personne, là, Blizzard. Là. Ben non, puis ils font ça depuis un bout. Puis moi, je pense qu'ils font juste des choses que naturellement. Ça vient naturel là, que, mettons, Kerrigan est comme ça aujourd'hui. Ça, ils sont pas sentis obligés de faire des choses comme ça. C'est naturel pour eux autres. Puis moi, je trouve qu'ils font une bonne job. Good job, wow. Ouais, puis aussi, si tu regardes un peu dans l'histoire, là, Ben, t'as joué quand même les Final Fantasy, là. Parle-moi-en donc de Final Fantasy. Je vais en parler pendant une veillée de temps, si tu veux. Mais je suis un fan de la franchise. Puis dans ces jeux-là, là, regarde, des personnages féminins forts, en veux-tu, en v'là. Là. La moitié de ton équipe, c'est ça. Puis honnêtement, tous les personnages des Final Fantasy sont intéressants. Gars, filles ou peu importe. Fait que, je pense que c'est vraiment juste là, on a eu un down dans les médias, là, il n'y avait plus rien à parler, fait que se sont dit ouais. On va starter de quoi là. Les jeux qui sortent à Star aussi sont souvent très bien faits. Ils sortent plus de jeux botchés, puis ben, peut-être qu'ils en sortent quand même, là, mais la plupart du temps sont souvent bien montés puis tout. Fait que le monde a peut-être moins de choses à parler. Puis là, ils essaient de trouver des bobos à quelque part, comme tu disais un peu au début. Là. Il n'y a pas assez de femmes. Mais bientôt, ça va être les races. Il n'y aura pas assez de diversité dans les jeux. Ça va s'en venir. Ben, c'est comme j'ai entendu et lu que dans le nouveau Call of Duty qui vient de sortir aujourd'hui, je pense, ouais. Que tu peux te créer sur l'Internet une agente féminine pour jouer contre d'autres personnes. Donc, ils veulent enlever tout ce qui est féministe. Ouais, d'après moi, ça, peut-être qu'ils ont rajouté ça à cause qu'ils voyaient que ça venait de plus en plus, le monde parlait de ça, puis ils se sont dit, bon, on va rajouter, vous pouvez vous faire une femme si ça vous tente. Ouais, mais tu sais, entre moi, y a-tu une place à la planète, pas pour des femmes, puis c'est bien une map de Call of Duty, là. Je veux dire, C'est un peu sexiste, ça. Mais non, mais... Parce qu'il y en a des femmes qui aiment ça à la guerre, là. C'est pas sexiste, mais... Tu vois? Il y en a, là, je suis sûr qu'ils te kickent le cul, là, à Call of Duty, là. Non, mais tu sais, il y en a des... Je parlais pas des joueuses, là, mais... Il y en a des femmes, tu sais, qui vont à la guerre puis qui se battent, mais tu sais, c'est juste pas la majorité, dans le fond. Mais c'est vrai que de le rajouter au jeu, tu sais, s'il y en a une parmi 250, ben dans le jeu, ça pourrait être intéressant qu'il y en ait au moins une, tu sais. Mais là, il n'y avait pas cette possibilité-là. Fait que en même temps, ils ont un point. C'est un bon point. Puis si les jeux ils font des différences de même pour essayer de que les jeux soient plus réalistes, ben c'est une bonne chose. Okay. Puis un autre personnage féminin qui me vient à l'esprit dans World of Warcraft, là, ouais. C'est Agra, la blonde à Troll qu'on a connue dans l'expansion de Cataclysm. Ouais. OK. Puis j'aimerais savoir votre opinion. Est-ce que vous trouvez que l'arc narratif de Agra et Troll, une espèce d'amour là, un peu à la Roméo et Juliette, qu'il fallait qu'ils s'en aillent battre Deathwing, puis il fallait qu'elle reste à la maison avec le bébé, puis blablabla, bon. Puis les quests en entour de ça, justement. Là. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé ça nécessaire ou un peu forcé? Ben moi, là, je trouve que peut-être que ça a l'air en ce moment un petit peu forcé. Sauf que eux autres, là, ils font jamais quelque chose pour rien. Fait que c'est sûr qu'eux autres, dans leur tête, là, ils pensent au futur comme jamais, puis ils savent bien plus que nous autres qu'est-ce qui arrive dans le futur. Fait que si on fait ça, il y a 3 ans, c'est sûrement qu'il y a quelque chose derrière ça qu'on n'a pas entendu parler encore, puis que plus tard, on va tout faire comme « Ah, oh, c'est pour ça que telle affaire. » Puis moi, je pense que ça, c'est une de ces choses-là. Fait que le... Toi, là, Ben, si t'aurais à bêter, là, on va revoir le fils de Troll dans Draenor. C'est ça que tu me dis, là. Peut-être pas dans Draenor, peut-être dans une expansion future, mais tu sais, pourquoi il aurait fait ça pour qu'il y ait un bébé, Troll? C'est sûr qu'il va avoir de l'impact dans les expansions futures. Fait que ça a peut-être paru forcé pour l'expansion où qu'on était. Sauf que je pense que ça, c'est nécessaire pour le futur. Puis toi, Lanou, qu'est-ce que tu penses? Oui, ben, moi, tout, je vais dire un peu comme toi, je trouvais ça forcé un peu qu'ils mettent cette histoire d'amour-là, mais ça rapporte un petit peu plus de contenu, peut-être, par rapport à Troll, que peut-être certaines personnes connaissent moins. J'ai aimé ça aussi, pareil, quand même, découvrir un peu l'histoire de Troll, parce que je suis pas je n'ai pas tout lu le lore master de tout, ouais. De tout Orgrimmar, comme on peut dire. Là. Mais pour vrai, je trouvais que ça avait l'air d'être poussé aussi, rendu à la fin, là, qu'il s'en va, puis là, faut que tu gardes le bébé, reste à la maison. Puis c'est quoi. De la drama à la top modèle, en venant de l'école à 3h30. Ouais, c'est ça, ça faisait pas mal roman savon. Pensez-vous qu'ils ont ajouté ça, une histoire de même, justement pour que les femmes, tu sais, ils se ferment la gueule? Ben, je pensais pas, là, mais... Non, je pensais pas. C'était cheesy, là, mais... En tout cas, j'ai hâte de voir ça va mener où, là, mais... Ben là, c'est parce que, tu sais, on sait qu'Agra est enceinte. Est-ce qu'elle l'a eu? Elle l'a-tu pas eu? On sait pas. Ben, ouais, en 4 ans d'expansion, je pense que oui. Je pense qu'elle l'a eu, mais on n'a pas... En tout cas, j'ai pas suivi rien de ça, fait que je peux pas confirmer rien. Non plus. Puis dans l'expansion actuelle, qui reste plus beaucoup de temps, là, dans Mist of Pandaria... 8 jours. On a-tu eu des pandas... femme ou femelle, là, peu importe. Là. Des personnages forts, ouais, femelles. Remarquables. On a-tu des boss de raid? Ben, les protecteurs. Je sais que les protecteurs, il y en a un des trois que c'est une femme. Son, ouais. Son. Sinon, il y en a-tu d'autres? Ben, tu sais, ça aurait pu être une roche, puis ça aurait rien changé. Ouais, c'est vrai. C'est... Non, mais tu sais, il y a tout un lore à partir de ça, mais tu sais... Nous autres, on ne connaît pas vraiment parce que on s'intéresse pas trop à toutes les petites histoires de lore qu'il y a dans WoW parce qu'il y en a tellement. Nous autres, c'est plus l'histoire en général, là, dans le fond, qu'on s'intéresse. Là. Mais c'est ça, les personnages forts De Pandaria, moi, je m'en rappelle pas vraiment de n'avoir vu. Fait que... La tortue des Starting Zone des pandas, c'est pas une femelle? La tortue? Spoiler alert! Ah, je l'ai jamais faite, les pandas. Oh shit! On va faire ça. Je l'avais faite dans le bêta, je pense, juste pour tester, voir un panda que ça avait l'air. Genre 4-5 quests, puis de la titre, là, je... Fait que je peux pas savoir, tous les nous. Moi je l'ai fait au complet, j'ai essayé. Sauf que je trouvais que l'histoire par rapport à la tortue échouée qui se fait exploser le dos, c'était so-so. C'était pas. Je m'attendais à peut-être quelque chose d'autre, là, mais en tout cas. Ah, c'était un nice twist à la fin. Tu te rends compte que t'es sur le dos de la tortue tout le long. C'est pas pire. C'est vrai. Nice. Mais là, vous autres, les gars, là. Jouer un personnage fille, autrement dit, que votre avatar dans le jeu, la représentation de vous, là, quand on joue en groupe, là, ouais. Que ce soit un avatar fille. Là. Puis, nécessairement, vous êtes on est tous des gars ici autour de la table. Ouais. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que ça vous dérange? Ben, tu fais vraiment pas ça. Là. Tu pourrais-tu nous dire pourquoi? Là? Moi, je peux pas croire qu'un gars, un mâle, un mâle alpha, joue... Un asti de femelle dans un jeu. Non, pour vrai, moi... C'est quoi, t'es-tu gay, là? T'as pas le goût d'y checker le cul tout le long? Ouais, c'est ça. Moi, je veux checker le cul de mon bonhomme. Mais non, mais je parce que moi, mon bonhomme, comme qu'on dit un peu depuis tantôt, tu sais, on veut pas, on s'identifie, on l'aime, pis tout. Pis moi, c'est pas que j'aime pas les femmes, c'est juste que moi, je m'identifie pas à une femme parce que, nécessairement, je suis un gars. Puis c'est comme dur pour moi de faire un bonhomme-fille. Je m'en étais fait un, une Draenei, dans le temps, un priest. Puis je l'ai levelé jusqu'au maximum level. Puis j'aimais ça. Comment que ça castait, puis tout marchait. Ils sont faits plus minces, tout est plus petit. J'aimais bien ça, sauf qu'à un moment donné, j'étais comme, ouais, j'aime pas vraiment ça, jouer ça. Je m'identifiais, je l'aimais plus, ce bonhomme-là, on dirait. C'est comme je m'identifiais pas vraiment à ce bonhomme-là. Fait que... Ouais, c'est pour ça qu'à cette heure, je me parle tout le temps des bonhommes mâles, hommes. Puis aussi, il faut pas qu'il me ressemble, mais tu sais, que je le trouve cool. Puis tu sais, comme un gros tauren. Il fait des assez de grosses oreilles, là. J'aime pas trop ça, les tauren, parce que c'est des grosses vaches, tu sais. Puis... des grosses vaches. Des grosses crises de vaches, j'aime pas ça, tu sais. J'aime ça, mettons, les humains, je trouve ça cool. Les trolls, à la limite, je trouve ça cool aussi, parce que... T'es capable de mettre un mohawk, n'importe quoi, puis ils sont cool pareil. Fait que, mais non, c'est ça. Sinon, toi, là, nous... Ah, pour les personnages féminins, plus ou moins. Là, Moutou, je suis plus comme toi. J'ai essayé de me créer un personnage féminin, et non. Un peu comme toi, ça, je m'identifiais pas à mon personnage, donc j'ai fait Escape, Logout, Delete. Ouais. Ça n'a pas été long. Mais non, je me crée des bonhommes masculins parce que je veux m'identifier à eux autres. Puis quand que je joue, j'ai l'impression d'être comme dans leur univers. Ouais. Puis les filles qui jouent à WoW aussi, la plupart du temps, ils se font des femelles aussi. Là, parce qu'ils s'identifient à leur bonhomme pareil. Là. Ils veulent que leur bonhomme leur ressemble un peu ou pas. Mais ils veulent s'identifier à lui. Il y en a sûrement des femmes qui font des hommes dans le jeu. Sauf que je pense que la majorité, ils font des bonhommes-femmes. Mais je pense que tu viens de toucher à quelque chose parce que je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont être comme toi, qui vont vouloir s'identifier à leur bonhomme. Vu qu'ils sont un peu plus en minorité, je dirais, là, dans WoW, il y en a pas mal, mais quand même, ils sont quand même moins représentés. Ouais. Puis je suis pas mal sûr que eux, c'est plus important pour elles d'avoir un avatar féminin pour peut-être stander un peu plus à travers le groupe que, mettons, moi ou la nous, là, on pourrait se faire un bonhomme féminin, puis regarde, on pourrait dealer avec ça. Là. Ouais. Mais je pense que c'est pas mal important pour eux, là, ouais. Un peu plus que pour les autres gars. Là. Ouais, moi, je pense que les gars qui font des bonhommes féminins, c'est juste qu'ils s'en foutent un peu. T'sais, ils font comme, ah, je vais me faire un bonhomme féminin parce que... Ils sont cool, tu sais. Ben, ils s'en foutent. Les Undead Warriors, là, sont cool. Quand ils attaquent, ils font des flips. Ouais. Fait que moi, j'ai ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Comme je disais, je m'en étais fait une. Puis j'aimais ça, comment que ça castait, comment ça bougeait, puis tout. C'est pas le but que... C'est pas sur cool, le long là. Terme, là, dans le fond. Ouais, à long terme, là, on dirait que là, je commence à plus m'identifier à elle. Puis je suis comme, bon, Chris, c'est plate. Je veux pas jouer, tu sais. t'aimes mieux jouer ton bonhomme que lui, tu le trouves badass, puis que tu t'identifies comme jamais à lui. Mais en tout cas, moi, je pense que je suis un joueur un petit peu plus d'émotion, puis faut que mon bonhomme, pas qu'il me ressemble, mais qu'il soit proche, tu sais, fait que... Pas de l'émotion, tu parles à la bonne personne juste en avant de toi. Les homos. Les homos. Mais okay, vous autres, les gars, là, il y a quand même une couple de MMO qui ont intégré un système de mariage dans leur jeu. Okay? Oh my God. Je peux penser à Elder Scrolls Online, là, tu peux te marier. Okay? Next. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir? Je connais un peu votre réponse, là, mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir dans World of Warcraft? Non. Non, next sujet. Moi non plus, fait que prochaine question. Non, mais c'est un peu comme le dance studio, là. Il en avait parlé un peu qu'il voulait faire comme un studio de danse, puis que tu peux aller là, puis jouer. Genre un genre de jeu de danse, là, dans WoW, que tu peux incorporer, puis que le monde, ils vont là, ils vont te voir danser, là. Il y a du monde qui avait demandé ça, puis il en avait déjà parlé qu'il allait peut-être faire ça. Sauf que, tu sais, un peu inutile. Là, ça commence à être trop, là. Tu sais, là. T'sais, nous autres, on est des gars, on raid, puis c'est ça qui est cool. Là, t'sais, c'est un MMORPG, pas un dance floor. Mais pour les joueurs qui sont sur des serveurs roleplay, qui sont un peu. Tu sais, il y en a du monde qui sont un peu plus dans le roleplay, qui regardent, ils aiment ça s'appeler Sir quelque chose, puis tout. Puis ils regardent, je respecte ça, il n'y a pas de stress. Mais juste pour ces gens-là, ça, c'est pas une addition qui serait intéressante, là? Ben, peut-être. Moi, je pense que oui, là. Pour le roleplay, ceux qui jouent sur des... Ben, ils peuvent l'intégrer au jeu, mais juste sur les serveurs roleplay, parce qu'il y a des serveurs différents. OK, bon point. Moi, je pense qu'ils peuvent l'intégrer facilement au jeu. Mettez-les pas sur les serveurs PVP ou normal, mettez-les simplement sur les roleplay. Sauf que t'es au courant que si... Ils font quelque chose comme ça, un dance studio, mais il faut qu'ils assignent du monde qui font partie de l'équipe de WoW pour travailler là-dessus pendant qu'ils pourraient être en train de travailler sur quelque chose qui est peut-être important pour le jeu. Ouais, Ben, justement, les Lords of War, là, c'était un beau gâchis de temps, ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en même temps, tu sais, là, je viens de dire que si tu mets un dance studio, faut que tu prennes des gars de l'équipe pour faire un dance studio, tu perds du temps pour sortir une nouvelle expansion, tu sais, parce que là, l'expansion se fait comme un an, quasiment et demi, là, qu'elle est là, puis elle dure, fait que là, puis là, en plus, ils sortent des Lords of War. L'expansion n'est pas encore sortie, puis ils font des Lords of War. Qu'est-ce que vous faites, hein? Là, un moment donné, c'est comme, tu sais... Hey, mais là, on n'est pas capables, nous autres, là! Arrêtez de faire des crises de vidéos, puis sortez l'expansion, esti, là. Là, un moment donné, ça va faire... Des napkins, esti, puis ils sortent pas d'expansion. C'est ça. Ça, c'était les commentaires de gens sur l'Internet. Okay. On a fait une belle petite mise en scène, mais ça reflète pas nos propos, OK? Hey, tabarnak, sortez le jeu, esti! Il y a nous frustrer qui sort, esti. Hey, calme-toi. Non, mais pour ça, par exemple, pour les Lords of War, c'était quelque chose de vraiment intéressant qu'ils ont réussi à faire. Puis pour ceux qui étaient frustrés, là, c'est pas la même équipe qui ont fait les Lords of War. C'est une équipe qu'ils ont engagée pour faire ça directement. Ils n'étaient pas dans l'équipe de WoW sur le développement du jeu. Donc, ça a eu aucune influence sur la sortie de la nouvelle expansion. Puis moi, je trouve que c'était quelque chose de vraiment, vraiment intéressant qu'ils ont sorti. Ben non, puis c'est le même principe avec les wallpapers qui sortent, là. Tu sais, à chaque 2-3 semaines, t'as nouveau wallpaper, nouveau cosplay, patente. Hey, vous auriez pu sortir le jeu à la place de dessiner. Gars, yeah. C'est pas le même monde qui font ça. Puis c'est juste des goodies de plus qu'ils nous donnent. Là. Soyez donc contents, puis aimez-vous tout le monde. Il y a du monde là, qui sont faits pour chialer, puis ils vont chialer pour le restant de leur vie. Ah, à nous. Pis... Ouais. Puis ce monde-là, là, je pense que pour la plupart, tu sais, ils jouent plus à WoW, mais ils reviennent sur les forums juste pour chialer. Puis on a perdu... On a perdu bien du monde un bout parce que là, l'expansion, ça fait longtemps qu'elle était sortie. Il y a une couple de subscribers qui ont lâché. Je pense que quasiment proche de 1 million. On était rendu à 6 800 000. Puis là, dernièrement, avec le hype de la nouvelle patch qui vient de sortir, on a remonté à 7,4 millions de subscribers. C'est-à-dire que c'est une augmentation de 600 000. C'est quand même pas pire. Pour ça, je trouve que... Est-ce que vous pensez que ça va augmenter pour l'expansion? Ou bien c'est pas mal le pic là, qu'on vient de pogner parce que l'expansion est sortie? Penses-tu que... Non, je pense pas que c'est le pic qu'on vient de pogner. Je pense que ça va être encore plus intéressant avec toutes les annonces qu'ils ont mis, qui vont passer en Amérique, en tout cas en Amérique. Là. Fait que ton guess, toi, combien tu penses de millions de subscribers à la sortie de l'expansion? À la sortie... Ou une semaine après, mettons. Une semaine après, ben à la sortie, je pense qu'on va peut-être sûrement le 8,5 millions. Puis je dirais qu'à une semaine après, ça devrait être pas mal plus. Donc, maximum 10 millions, je dirais. Oh, jusqu'à 10 millions? Ouais, ben, peut-être 10 millions, c'est peut-être un peu intense, ça, parce que c'est... Ouais. Pas, je dirais plus peut-être, mettons, là, je disais 8 millions à la sortie, mettons, 8 500 000, là, le pic. OK. Toi, JC, ton estimation? Ouais, ben moi, je pense que 8 millions, ça a bien de l'allure. Ouais. Le monde qui allait... qui ont vu un peu les annonces, puis qui ont entendu parler de la page, qui étaient tentés de revenir, je pense qu'ils ont déjà, sont déjà revenus pour se remettre dans le bain avant l'expansion. Là. Fait que ouais, ça va ressembler à 8 millions, là, selon moi. Là. Ouais, parce que là, on est à 7,4. Sauf que si on veut se rendre à 8 millions, c'est quand même 600 000 personnes. Là. C'est pas rien. Ouais, là, mais c'est... ça, c'est mondial, mon chum. Ouais, mais mondial, c'est quand même 600 000 personnes. Puis un jeu normal qui a 600 000 joueurs, il y en a quand même beaucoup de joueurs. Là. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis moi, je pense, mon estimé. C'est ça, les chiens. Hein? C'est Ben qui mange le pet. Mon estimé, moi, je pense que, on va dire, mettons, on va être un petit peu plus positif, là, 8,5 millions une semaine après l'expansion. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont revenir. Puis en plus, avec les annonces de TV qui ont sorti, je pense qu'ils vont aller chercher beaucoup, beaucoup de joueurs. Peut-être même des nouveaux joueurs. Le Grommage Deadster, man. Ouais, c'était-tu ton préféré, ça? T'as-tu écouté? C'était pas mon préféré, mais il était vraiment cool pareil, là. Ouais. Comme pour donner un exemple, ben il y a mon petit frère qui vient de commencer à jouer, puis c'est à cause de les annonces de Blizzard que mon frère a dit « Ah, ça a l'air ben trop malade, donc allez voir ça, ça pourrait vous amener à jouer à ce jeu-là. » Pour ces annonces-là, est-ce que vous les avez toutes regardées? Je pense qu'il y en avait 4, ouais. Il y en a de 15 secondes, d'autres de 30 secondes. Comment vous avez trouvé ça? Pensez-vous que c'est une bonne chose, ça, mettre ça à la télé pour les gens normaux? Bah, ça va pogner une couple de ma tante, c'est sûr, là. Mais tu penses qu'il y a des matins? Non, mais... À couette mauve! des madames du dîner qui une couette mauve. Non, mais blague à part, là. Sérieusement, ces trailers-là sont dignes d'un blockbuster de Hollywood, là. Honnêtement, c'est bien monté. Puis ouais. Les cinématiques de WoW, là, ils sont de des jeux de Blizzard, en général, sont assez excellents. Puis ouais. Ça faisait vraiment, vraiment... honneur à ça, là, ces annonces-là, puis ça donne le goût de jouer. Là. Si tu ouais. connais un petit, si t'as déjà vu passer ça, que ça t'a déjà un peu tenté, mais ça, c'est le coup de grâce là, qui venait t'achever, puis c'est sûr que tu peux commander le jeu. C'est sûr que t'en reviens. Là. Oh ouais, c'était cool. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est des petites annonces de 15 secondes, puis hein, ça arrête de chier. C'est des annonces de 15 secondes, puis moi, d'un point de vue de joueur, mettons, qui est vraiment fan du jeu, puis qui joue encore, je trouve que, tu sais, c'est pas assez, là, t'sais. J'écoute ça, puis je suis comme, ça passe tellement vite, t'as rien vu, man, puis c'est déjà fini, là, fait que... Ouais, mais c'est ça le but, Ben. Ben, d'un point de vue de joueur qui joue, je trouve que c'est pas assez, c'est normal. Tout est garoché, tout est dit super vite, je trouve que c'est un peu de la merde, sauf que, pour du monde qui connaisse pas, pour qu'il y ait un... grosso modo, c'est quoi pour que ça leur donne le goût de venir jouer à ce jeu-là. Ceux qui connaissent pas ça, je trouve que ça a été bien monté. Là. Ils ont mis en évidence le level 90 gratuit pour que le monde y fasse comme ah, 90 gratuit, ok, je vais peut-être y aller. Puis ouais, c'est ça. Mais ça a été bien monté pour ce monde-là, mais pour des joueurs comme nous, je trouve que c'est un petit peu botché, là, mais... C'est parce que c'est pour la TV aussi. Là. Ouais, mais c'est un petit peu botché ton 90 gratuit, mais tu l'as-tu pris ton 90 gratuit? Ça n'a ouais. pas été long, hein? Parlant de 90 gratuit, je l'ai pris la première journée que j'ai pu le prendre. On l'a tout fait. On va te dire lesquels qu'on a pris. Mais t'avais un point avant, vas-y. Ouais, ben je voulais juste savoir si, selon vous, la publicité qu'ils ont faite, c'est cool, c'est beau, c'est le fun. Est-ce que c'était nécessaire? Je m'explique. Un jeu qui a à peu près 10 ans, bientôt 10 ans, qui ont une clientèle quand même assez forte déjà de fait. Là. Est-ce que vous pensez qu'à part, comme je disais tantôt en blague, 2-3 matantes et quelques, mettons, quelques gars qui avaient arrêté de jouer, qui vont probablement revenir anyway. Est-ce que vous pensez que ça va amener bien du monde, là? Moi je pense que Blizzard, ils pensent que oui, mais dans les faits, un jeu qui est depuis le marché depuis si longtemps, si ça t'a pas déjà accroché, est-ce que tu penses que là, au moment où c'est que le jeu est là en ce moment, c'est le temps d'embarquer, puis c'est là que ça va accrocher le plus de gens? Moi, je pense que non, là. C'était pas nécessaire, ces annonces-là. Sauf que c'est toujours un plus. T'sais, parce que si tu fais rien, il n'y a jamais personne qui va le voir, ton jeu, t'sais. C'est sûr qu'il y a du monde qui va en parler, t'sais, avec le blabla, le pourparler, le monde, ils vont en parler du jeu, mais en faisant des annonces, ben, t'sais, c'est sûr que tu mets toutes les chances de ton bord de peut-être capable de pogner d'autres nouveaux joueurs pour le jeu. Là. Fait que c'était pas nécessaire, il aurait pu juste pas les faire, puis il y aurait eu quasiment autant de subscribers, parce qu'ils ont déjà leur player base, comme tu dis tout le temps. Puis, s'ils n'avaient pas fait, ça n'aurait rien changé probablement. Mais s'ils sont capables d'aller chercher 100, 200, 300, 400 personnes et même plus, pourquoi pas, tu sais? Ouais. Tant mieux, ça pourrait peut-être être des bons joueurs aussi. Sûrement pas. Ben, au début, là. Peut-être mais... qu'ils vont devenir bons, ouais. C'est LFR ça. Hero. Non, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher, mettons, du monde que quand que WoW était sorti, eux autres, ils étaient beaucoup trop jeunes pour jouer. Tu sais, comme 5-6 ans. Puis là, aujourd'hui, après 10 ans, 15-16 ans, ils commencent à être à l'âge que, tu sais, WoW, si tu veux pas, c'est un jeu quand même compliqué. Faut que t'aies quelqu'un, un mentor, un peu, pour t'expliquer. Tu payes, faut que t'aies une job, premièrement, peut-être. Faut que tu payes, c'est ça aussi. Tu sais, t'as une carte de crédit, fait que... Veux pas. Ouais, bon point. Ouais, mais t'es pas obligé d'avoir la carte de crédit, il y a quand même les cartes prépayées. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'ils s'arrangent les plus jeunes. Sauf que là, tu sais, le monde commence à être plus vieux, puis ça, c'était impossible pour eux autres avant, parce que leurs parents voulaient pas payer. Puis là, peut-être en mettant des annonces de TV comme ça, ça va leur faire comme « Hey, je me rappelle, ce jeu-là, je voulais jouer quand j'étais jeune, mais là... » Là, je peux y aller. Là, je peux jouer. T'sais. Là, j'ai l'argent pour. Pis... Fait que peut-être que ça va aller chercher beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Fait qu'on ne sait pas. Puis je trouve que c'est mieux de faire ça que rien prendre tout. Ouais, puis il y a aussi le fait que pour le prix que tu as à payer pour avoir un 90 directement, là, je vais poser cette question-là. Là, mais tu sais, 50$, là, puis tu as toutes les expansions. Tu es déjà rendu 90. Tu es prêt à partir pour ce qui s'en vient. Ouais, parce qu'avant. Avant, là, tu sais, moi. Depuis Vanilla que je joue, puis je les ai tous achetés un après l'autre, les expansions, mais j'ai pas mal dépensé plus que quelqu'un qui commence en ce moment. Parce qu'avant le level 90 gratuit, tu voulais inviter quelqu'un au jeu, là tu lui disais comme « Hey, viens jouer au jeu, puis il va falloir qu'on level de 1 à 90 ensemble, puis ça va prendre 3 semaines, puis ça va être l'enfer, puis t'aimeras vraiment pas ça, tu sais. » Non, mais tu sais, il y en a qui aiment ça, questé puis tout. Moi, leveler, j'aime pas super ça, puis il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Ils aiment le à la fin du jeu, tu sais, fait que le end gaming, le monde aime ça. Puis c'est ça, fait que le fait de leveler de 1 à 90, c'était peut-être comme, ils voyaient ça comme une montagne, fait que ça empêchait le monde de peut-être rentrer dans le jeu puis commencer. Fait que avoir un 90 gratuit, c'est sûr qu'il y a peut-être du monde qui vont faire comme, hey, moi, y aller, tu sais. Ouais, mais ça va aussi aller chercher des amis qu'on a, peut-être que, tu dis pas dans notre gang, nous autres, parce qu'on joue pas mal tout ensemble. Mais tu sais, d'autres personnes, qu'il y a des amis qui jouent pas, puis « Hey, viens donc essayer ça, c'est là un mois de temps, puis viens jouer avec nous autres. » « Hey, essayez ça, t'en as un gratuit, tu peux commencer direct avec nous autres. » »« Jouer avec nous autres, c'est ça. » Moi, je trouve que c'est un bon coup de publicité, un bon coup pour la compagnie Blizzard, bien sûr. Ouais, puis c'est arrivé dernièrement avec ton frère, comme tu as dit, là. Ouais. Il commençait en partant, bang, niveau 90. Sauf que c'est sûr que lui, après ça, il s'est levelé un bonhomme de 1,90 pour peut-être expériencer ça, le leveling. Puis il a bien aimé ça. Puis là, à cette heure, il est rendu dans notre raid group. Puis il apprend vite, un petit vite, ce style-là. Shout out à Seb, à nous. Pop, yeah. Pop, pop. Ben ouais, puis il fait déjà du mythique. Ouais. Puis parlant de mythique, il faudrait bien expliquer le lockout, comment ça marche. Parce que je pense. Que le monde ne comprenne pas. Personne qui a compris. Hey, man. Sérieusement, là, je pense que c'est la pire hostie de calice de chiasse qu'ils ont jamais mis dans le petit jeu de calice. Explicit tag 1. Désolé. Le vrai frustré est sorti. Sérieusement, écoute, là, moi, on a raidé cette semaine, les gars. Là. Ouais. Vous en rappelez tout mercredi c'était ou dimanche. Pas très glorieux, d'ailleurs. Tu sais, là, ouais. On est rendu à un boss qu'on a de la misère. Et mon chum Ben, le raid leader. essaie de poguer du monde. Ouais. Pour les non-initiés, poguer là, nous, c'est... Ah, ça, c'est aller chercher du monde de plus pour notre groupe, parce qu'il y a tout le temps du monde qui sont pas là. Il nous des manque quelqu'un. Des inconnus, dans le fond. Ouais, des inconnus du jeu. On pige au hasard dans le groupe de monde qui veulent rentrer avec nous. Fait que c'est ça. Puis là, Ben, je pense qu'on a passé une demi-heure à chercher du monde. Quand on l'a trouvé, on a commencé. Premier wipe. Le monde s'en va. Qu'est-ce qui se passe après? Faut passer une autre demi-heure à trouver quelqu'un parce qu'il n'y a personne qui est dans le mythique. Fait que là, dans le fond, la soirée, ça a été comme 2 heures de pogage puis 1 heure de vraiment raidage. Puis le monde que tu pognes, la moitié du monde sont déjà lockés. Oui. Fait que là, on va clarifier ça un peu. Comment que le mythique, ça marche? Comment que les locks, ça marche pour le mythique? Ça, le mythique, là, c'est l'ancien héroïque. Ouais. C'est normal de raid looking for raid. L'ancien normal, héroïque. C'est le puis... nouveau mythique puis l'ancien héroïque. Ben non, attends, là, wow, là. Récapitule ça, là. Ancien héroïque, puis c'est le mythique à cette heure. Ouais, puis c'est 20 personnes, c'est pas 10 personnes comme auparavant, ou 25. C'est 20 personnes fixes. Tandis que les deux autres difficultés, c'est de 10 à 30 personnes que vous pouvez être. Puis les locks marchent différemment. Pour le normal et héroïque, t'es locké à un boss. Fait que, mettons, je tue le 5e boss, je suis locké à ce boss-là, j'aurai pas de loot pour le reste. Puis ça marche normal héroïque. Mais pour mythique, t'es locké à une instance. Fait que ça veut dire que tu pars avec un groupe, tu tues 2 boss, après ça, tu quittes. Si le groupe il continue, puis tu tues 3 boss par après, mais toi, si tu veux revenir dans l'instance, mais tu vas être rendu au 5e boss, en fait. Parce que t'es locké à l'instance que t'as commencé, puis avec tout le monde qui était dedans, à ce moment-là. Puis prenez note aussi, là, pas besoin de tuer de boss, là. Seulement de rentrer dans le groupe et d'entrer dans l'instance et d'accepter le lockout. Même si vous tuez absolument rien et que de la trash, vous êtes locké avec ce groupe-là, cette instance-là. Ouais. Puis ça marche de même depuis tout le temps pour l'héroïque, là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est juste que là, peut-être avec les nouvelles difficultés, le monde sont mélangés. Sauf que c'est de la même façon que l'héroïque, ça marchait auparavant. Ouais, mais tu sais, dans la vie, il y a toujours des épais, là, puis il y en a là-dedans, hein? Il y a du monde qui est... Ben, tu sais, pour vrai, moi, au début, je voulais d'héroïque, tu sais. On faisait, mettons, un boss héroïque, mais je voulais aller poguer les autres boss, mais on pouvait pas. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était comme ça que ça marchait dans l'héroïque. Mais je trouve pas que c'est vraiment utile de faire ça. Blizzard, ils disent que c'est pour encourager le monde à rester dans le groupe. Ça encourage pas le monde à rester dans le groupe parce que le monde sont prêts à accepter qu'ils vont être lockés puis ils vont juste s'en aller. Ils veulent pas passer leur soirée au complet à wiper sur un boss qui devrait être facile, mettons. T'sais. Mais c'est héroïque, c'est pas vraiment fait pour. C'est fait pour des groupes stables. Là. Honnêtement, ouais. Ça fonctionne. Là, on est à la fin de l'expansion. Le monde, ils ont pas mal de gears. Ça va quand même bien. Mais ça se prête vraiment mal à accueillir des étrangers que tu connais pas dans ton groupe. Il faut que tu aies quand même une structure, que tu sois un peu... Il y a beaucoup de communication, ce qui est quand même dur avec du monde qui souvent parle pas le même langage que nous. Oui, on est bilingue, mais quand même, quand on se parle là, dans le jeu, c'est tout en français. Là, puis ça passe mal la communication, fait que c'est vraiment pas adapté là, à Poggy, les mythiques. Puis je pense qu'entre autres, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais je pense que quand même, les lockouts de mythique, c'est un peu comme Diablo 2. Ouais. C'est rendu passé date. Ouais, je pense que c'est passé date. Je pense que c'est passé date. Parce que c'était correct dans le temps que tu n'avais pas les moyens faciles de trouver du monde. Mais à cette heure, avec le nouveau Group Finder, ben pas Group Finder, mais le nouveau... la nouvelle façon de trouver des groupes. Avec tout ça, c'est tellement rendu facile de poguer. Puis il y a du monde qui sont bons là-dedans aussi. Là. Fait que je trouve que là, c'est rendu passé date, le mythique. C'est pour empêcher le monde aussi en même temps qu'ils se gearent trop vite. T'sais, ils veulent pas que toi, tu sois capable avec ta guild, tuer un boss. Puis après ça, je vais poguer avec une autre guild qu'eux autres, ils tuent les 4 prochains. T'sais. Puis là, que tout le monde se gear super vite à cause de ça. Ouais, mais on s'en calisse-tu, tabarnak? On est à la fin de l'expansion, Chris! C'est ça. Peut-être qu'en début d'expansion, OK, laisse ça comme ça. Mais un petit peu plus tard dans l'expansion, un petit peu plus tard dans la patch, enlève ça, tu sais, mets ça. Mais moi, je mettrais ça juste comme que c'était, mettons, le normal avant. T'es là, OK. Si tu rentres dans un groupe, ils sont rendus au cinquième boss, mais t'es là, OK, à partir du cinquième boss, tu sais. Ça, je pense que ce serait un bon compromis à faire, tu sais. Pas l'ancien log d'héroïque, l'ancien log de normal. Ça, je trouve que ça serait peut-être une bonne chose à faire, mythique. Mais tu trouves pas que de permettre un peu ça, ça enlève un peu le mythique de la chose, si tu veux. Tu sais, c'est quand même le contenu le plus difficile du jeu. C'est le truc le moins accessible. Puis il y a une espèce de standing qui vient avec ça quand même, veut pas, là. Tu sais, c'est quand même intéressant, là, raider mythique, là. Et de rendre ça accessible à trop de monde qui veulent pas nécessairement se donner la peine de trouver des groupes. Je sais pas, moi je suis un peu mitigé avec ça. Oui, le système est peut-être un peu passé date, mais d'un autre côté, je comprends pourquoi qu'il le garde, tu sais. Ouais, mais en même temps, tu l'as dit, faut que tu sois un groupe pour. Ils veulent encourager que le monde soit dans un groupe, mais t'as pas le choix. Tu pourras pas pogner un groupe de POG qui connaissent pas les fights puis être capable de clearer le mythique au complet. Là. Tu pourras pas faire ça. Fait qu'il faut que t'ailles un groupe. Sauf que la réalité, c'est que là, ils nous obligent à être 20 personnes dans le groupe. Puis avoir 20 personnes à chaque semaine, tout le temps, c'est quasiment impossible. Ouais, fait qu'on n'aura pas le choix de pogger. Puis là, quand t'arrives pour pogger, si ton expérience de jeu, c'est pour un raid de 3 heures, la moitié est. Et tu te retrouves à pogger pour la moitié de ton raid, je trouve que l'expérience est vraiment pas bonne. Tu sais, puis c'est ça qui se passe en ce moment, puis je peux pas croire que c'est comme ça qu'ils veulent que ça marche. On doit pas être les seuls là, qui passent une heure par raid à essayer de pogger gars. Il y a beaucoup de confusion aussi, là. On l'a juste vu là, avec notre expérience de cette semaine. Là. Donc, on essayait de summoner du monde, puis il était déjà locké, etc. Regarde, ouais. Il y a énormément de confusion alentour de ça. Et je pense que avant longtemps, Blizzard va falloir qu'ils adressent ça là, parce que. Ben, c'est peut-être justement en train de faire un test aussi, là, avant que l'expansion sorte. Ouais. Peut-être pour dans le fond, les prochains raids, ça va peut-être, ça sera peut-être pas comme ça. Là. Mais il y a eu un gros pas en avant quand même avec le héroïque et le normal, là, quand même. Là. Ça, regarde, tu peux te gearer à l'infini pratiquement avec ça. Là. Fait que c'est quand même bien. Là. Le seul problème, c'est que là, en ce moment, nous autres, on est rendus à mythique. T'sais. Fait qu'on peut pas se dire, oh, on va aller faire juste du héroïque. Parce que, tu sais, c'est rendu trop facile pour nous. Fait que là, nous autres, on est rendu au point qu'on fait du mythique. Sauf que quand que l'expansion va sortir, ça va peut-être prendre, quoi, 5-6 mois avant d'être rendu au mythique. Peut-être qu'on y goûtera même pas parce que, tu sais, on n'est pas super bon. Fait que, tu sais, là, on est en train de chialer parce qu'en ce moment, on est rendu là. Mais ça veut pas dire qu'à une nouvelle expansion, on va se rendre là aussi. Là. Fait que ouais, c'est clair. Ça restera à voir. Là. Bon, là, les gars, on est rendu un peu à notre segment questions et philosophique et un peu de discussion. Oui. C'est quoi la question cette semaine? Bon, regarde, moi, je vous mets en contexte. Okay, j'ai écouté un certain podcast au début de la semaine. D'ailleurs, un podcast que j'adore, que je nommerai pas. Il y avait un collaborateur du podcast qui parlait d'une nouvelle expansion de World of Warcraft. Puis il était bien excité. C'était un ancien joueur qui venait de se réinscrire, en fait. Regarde, il parlait des nouveaux features, regarde, il était bien excité, il aimait ça, blablabla. Et là, l'animateur fait quelque chose que je nommerais de Paul Arcaniest, OK? Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par Paul Arcaniest? Ben, il essayait de faire dire au gars quelque chose qu'il veut pas dire. Je m'explique. Autrement dit, l'animateur disait, hey, ben là, World of Warcraft, c'est mort là, quand même là. Puis là ben t'avais le gars qui était ben non là c'est cool là. Et la nouvelle patch qui s'en vient ça va être malade là. Ouais mais World of Warcraft ça fait 10 ans là ça regarde ça achève là, c'est pas c'est ça, fini, ça. Ben non là c'est cool puis il va avoir ça puis ça dans l'expansion ça va être vraiment le fun. Ouais mais tu sais c'est passé date là World of Warcraft ça fait 10 ans là. Ben, t'avais de mourir puis perdre des subscriptions à vue d'œil, hein? Ça, hey, ils bleed out, eux autres, là, sont en train de mourir. Ben non, là, il y a plus de. En tout cas, vous voyez le genre, là. Fait que. Moi, je trippais pas là-dessus. Puis ça m'a un peu poussé à réfléchir là-dessus. Et je me demandais, dans le fond, c'est en visitant aussi les sites d'information, aussi, on voit un peu ce phénomène-là. Là. C'est quoi les tendances de vouloir la mort d'un jeu vidéo ou de tout simplement bâcher sur un titre là, pour ce qui me semble être aucune raison là. Ouais, comme dans le fond, pourquoi que le monde veut la mort de WoW? Peut-être qu'ils veulent la mort de WoW parce que c'est comme le plus gros MMO. Puis il y a du monde qui accepte pas quand que... C'est trop mainstream, genre. Ouais, il y a comme trop de monde qui joue à ça, puis ils acceptent pas ça. Puis eux autres, ils aiment mieux aller jouer à quelque chose de plus petit, tu sais, plus... Puis c'est ça, dans le fond, genre, moi je trouve, moi aussi, je suis un peu comme toi, Ben. Je trouve ça aussi, là, qu'ils bâchent sur World of Warcraft. Ils ont peut-être jamais joué, ils ont peut-être déjà joué. Sauf qu'ils bâchent pour rien. Parce que Blizzard en ce moment, ils ont le monopole complètement sur les MMORPG. Puis je pense que je suis pas le seul à dire ça. Je pense que JC, même Ben. Non, mais de toute façon, c'est des faits, là, c'est des chiffres. Là. Tu sais, même en chiffres, moi j'ai essayé bien les MMORPG. Puis je peux vous dire que dans le fond, ce que je trouve, c'est que ça revient tout à ce que Blizzard a déjà fait. Fait que d'après moi, le monde qui bash sur World of Warcraft, c'est du monde qui veut avoir d'autres choses de plus nouveau. Mais. C'est du monde qui veulent la mort de WoW. Puis la question, dans le fond, c'est pourquoi ce monde-là, ils veulent la mort de WoW tant que ça? Puis moi, je peux pas croire pourquoi. Tu sais, pourquoi ils disent, OK, ça fait 10 ans qu'ils roulent ce jeu-là. Puis fait que, tu sais, c'est mort, là. C'est 10 ans, c'est trop long, là. Puis en même temps, je pense que ce monde-là sont habitués à des jeux qui durent pas longtemps, tu sais. Peut-être du monde un petit peu plus vieux aussi qui pense ça, qui sont habitués à des jeux qui durent pas longtemps, puis bon, on renouvelle, t'sais, on fait le même jeu, mais avec le même titre, mais avec le 2, t'sais, parce qu'avec des meilleurs graphiques, puis tout. Pis Call of Duty, genre. Call of Duty, t'sais, ils sont rendus à 55, là, t'sais. Mais t'sais, c'est ça, ils sont peut-être habitués à ça, puis là, ils sont comme frustrés en dedans d'eux autres qu'un jeu... c'est le même depuis 10 ans là, qui roule. Puis tu le regardes aujourd'hui, puis il est beau. Là. Puis tu sais, c'est pas le même, ça marche. Là. Dans les jeux vidéo, ça dure pas longtemps. Puis après ça, ça meurt. T'sais? Fait que peut-être eux autres, ils ont dans cette mentalité-là, de leur vieille mentalité. Puis ils sont pas ouverts à ces nouveaux jeux-là, qui eux autres vont survivre peut-être plus longtemps. T'sais? La technologie aujourd'hui, elle nous permet de faire des jeux qui vont durer plus longtemps. Puis peut-être qu'eux autres, ça les frustre, ça. Ben, moi aussi, je trouve que ça a l'air d'être ça. Puis, je pense, j'ai un exemple peut-être concret, mais tu sais, les free-to-play, là, juste par exemple, un compétitionneur à Diablo 3, Path of Exile. C'est un excellent jeu, par exemple. Tu sais, je l'ai essayé, j'ai aimé ça, c'est un free-to-play, c'est bien bon, sauf que je jouerai pas toute ma vie aussi longtemps que World of Warcraft. Ouais. Tu sais, excuse-moi, là, mais ils mettent pas assez de contenu. Je sais pas si c'est juste moi, mais de ma façon de voir les choses, ça équivaut pas ça. Ouais, mais ben, t'apportes un bon point, là, c'est que, ben, tu sais, un peu, tu as appuyé un peu ma théorie que moi, dans le fond, le monde qui bâche sur des jeux comme ça, moi, je pense qu'en majorité, c'est des anciens joueurs, c'est du monde qui ont arrêté de jouer et... En bâchant, ils veulent un peu comme se justifier ou backer leur opinion en disant « Regardez, non, hey, c'est pas bon ce jeu-là, regarde, moi je joue plus. » Fait que si moi je joue plus, c'est parce que c'est pas bon. Là. Puis, moi j'ai pas aimé ça, fait que vous allez pas aimer ça. Exactement. C'est un peu ce qu'on voit aussi, là. T'as parlé de Path of Exile, mais quand que Diablo 3 est en train de se faire, regarde, c'était une dualité, là. Il y avait du monde qui appréciait pas Diablo 3, fine, mais c'était comme Diablo 3, c'est de la merde. Path of Exile, hey, it's the shit. Yeah, c'est ça, faut que tu joues. Puis, nécessairement, là, ce monde-là, il levait le nez sur Diablo. Hey, Path of Exile, c'est bien mieux. Puis, t'avais le contraire. Hey, Path of Exile, là, c'est de la stupide de merde, là, blablabla. Hey, joue à Diablo 3 parce que moi, je joue à Diablo 3. Là. Puis, tu vois ça tout le temps. Tu vois ça pour Call of Duty contre. Battlefield. Regarde, je pense, regarde, à moins de me tromper. C'est une vraie guerre de, ah, si tu joues à Call of Duty, c'est parce que tu joues avec des petits jeunes de 14 ans. C'est ça. Ouais, c'est des petits jeunes qui jouent à Call of Duty, puis les personnes intelligentes, mâles, beaux, ils jouent à Battlefield. Moi, je joue à Battlefield. Ouais, c'est plus mâle. C'est plus mâle, hein, Battlefield. Battlefield, c'est cool. Mais, c'est mâle. Mais le point est que c'est justement le monde qui bâche. Je pense pas qu'ils veulent vraiment détruire les autres jeux. C'est plus pour backer leur propre opinion. Puis c'est facile en arrière d'un clavier, là, bâcher. Là, ouais, du trolling. Ouais. Ben, avec l'Internet aussi, ça a rendu ça pas mal facile de donner ton opinion. Puis qu'il y a beaucoup de monde qui le voit là aussi. Fait que le monde, il profite de ce moyen de communication-là qui est l'Internet pour donner leur opinion, puis des fois, c'est des opinions qu'ils pourraient peut-être garder pour eux autres mêmes, je pense. Ah oui, c'est ça. Mais surtout quand c'est des gros sites de nouvelles, tu sais. Ouais. Je vise personne, c'est un exemple, mais imagine que Polygon ou IGN commencent à faire du hate sur World of Warcraft ou commencent à faire du hate sur n'importe quel autre jeu, mais... Veux pas, ce monde-là a un poids médiatique. Là. Je pense pas qu'ils vont commencer à faire ça parce que, bon, c'est pas éthique, etc. Mais, tu sais, il y a beaucoup de monde que c'est des références pour eux. Là. Fait qu'ils peuvent pas se permettre de faire ça, là, tu sais. Mais je pense qu'ils le font. Ils font pareil, là. GameSpot pis tout ça, là. Ils bâchent des jeux. Hein. Ils bâchent les jeux pareil, là. La seule chose, c'est que c'est... Mais il y a une différence entre donner une mauvaise note pis bâcher, là. Non, mais tu sais, excuse-moi. Moi, j'associe quand même une mauvaise note à un mauvais jeu pareil parce que je suis l'actualité. J'aime ça, les nouveaux jeux, ce qui s'en vient. J'aime voir ce qui s'en vient. Mais je regarde tout. Sauf que, tu sais, quand que je vois sur GameSpot, mettons, un passionné de Dark Souls ou n'importe quoi, Van Horde, là, je suis pas trop là, le gars avec des lunettes, là. Mais lui, c'est un gars d'RPG, puis il bâche sur tout ce qui est pas comme Guild Wars 2 ou des affaires de même, puis moi, excuse-moi, j'ai essayé, puis je trouve ça plate à mort. Fait que, tu sais, c'est selon l'opinion de certaines personnes qui ont un envers médiatique énorme, qui peuvent peut-être essayer d'attaquer Blizzard d'une façon comme un peu ghost, là, comme que je pourrais dire. Mais c'est, en arrière, ce qui est plate avec ça, c'est qu'ils le font. Tu sais, puis il y a du monde comme toi qui check les sites à chaque jour, puis là, qui vont voir les nouvelles du jeu, puis qui vont voir qu'est-ce que le gars du site de GameSpot avait à dire. Puis là, s'ils bâchent sur le jeu, ben combien de personnes qui vont juste se fier à ce que lui a dit, puis à la note qu'il a donnée, puis qui essayeront juste pas le jeu ou n'importe quoi. Fait que ça, moi, pour les médias, là, je trouve pas qu'ils devraient donner des notes... dire que le jeu est pas bon ou juste être neutre, présenter le jeu, dire de quoi que ça a... Il peut dire de quoi que ça l'a été. Il peut dire son opinion, s'il a aimé ou pas. Sauf que, tu sais, encourage pas le monde à pas essayer les jeux. Mais je ben, un review de jeu, là, en gros, qu'est-ce que c'est, là? C'est une personne qui est, oui, affiliée à un site, mais c'est quand même une opinion, là. Puis, faut pas que tu prennes ça pour du cash. Puis, si tu te bases sur juste un review pour jouer un jeu ou pas jouer, mais... Peut-être qu'il serait le temps que, en tant qu'aimant des jeux vidéo, là, on commence à peut-être vérifier plusieurs, lire plusieurs reviews. Quitte si c'est un jeu qui t'intéressait vraiment, vraiment, là, puis qu'il n'y a pas des bons reviews, mais garde, essaye-les pareil, va le louer. Peut-être tu vas l'aimer, même si la personne qui l'a reviewé ne l'aime pas. Là, t'sais. C'est ce que tu disais, va le louer, mais sur PC, oublie ça, le louer, là, ça n'existe pas. Ouais, faut que tu l'achètes. Mais de toute façon, là, c'est juste que eux autres, là, ils ont un gros pouvoir, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde. T'sais, pas moi, pas toi, pas la nous non plus, mais il y a beaucoup de monde qu'eux autres qui font juste se fier à ça. Là. Ouais. Fait que, t'sais, je trouve que ça, c'est un trop gros pouvoir, puis ils devraient pas faire ça, ils devraient rester neutres. Les médias, ça devrait tout le temps être neutre, ça devrait pas dire aucune opinion. Puis le monde, là, fiez-vous pas à ça. Forgez-vous votre propre opinion. Vous êtes plus fort que ça. Allez lire d'autres, sinon, si vous voulez vraiment aller voir les reviews, allez voir tous ceux que vous pouvez trouver, pas juste une ou deux sur le même site qui aimeront pas la compagnie de jeu puis qui vont juste la bâcher, tu sais. Moi, Ben, par exemple, je suis un peu en désaccord avec toi sur un point, OK? Ouais. Les reviews, je pense que c'est important qu'il y en ait parce que il y a quand même des mauvais jeux qui se font. Et ouais, au prix qu'ils sont rendus, 80$, plus ou moins, pour un jeu neuf, ben, moi, je trouve que c'est important d'avoir l'opinion des gens. Puis, peut-être que là, c'est, en tant que consommateur, c'est notre job à nous d'aller voir plusieurs opinions. Oui, puis regarder, est-ce que ce gars-là qui fait le review, il a un peu les mêmes goûts que moi? Oui, non, peut-être. Essayez d'en trouver un, peut-être, qui est un peu votre, plus votre style de gamer. Il y a tellement de reviews que vous pouvez associer un gars qui review des jeux. Vous pouvez vous identifier à lui. Puis s'il aime les jeux, souvent, vous allez un peu plus les aimer aussi, là. Faites ce démarche-là, puis vous allez être moins déçu par les jeux, peut-être. Ben ouais, allez dans Google, marquez review de votre jeu que vous voulez savoir, et, voilà. Et vous allez avoir des chaînes Google, de sites. Il y a des chaînes YouTube aussi. Ben, là, même des tweets, des Twitch, n'importe quoi que vous pouvez regarder le jeu, le gameplay, ouais. Ce qui vous intéresse dans ce que vous voulez chercher. Là, je trouve que c'est plus intéressant d'aller voir sur Twitch un joueur en train de jouer, puis qu'il explique ses trucs, puis tout. Puis ça, je pense que ça va être mieux que juste lire une expérience d'un gars qui a peut-être pas les mêmes goûts, comme JC disait, ouais, même pas les mêmes goûts de jeu que toi. Puis, fait que peut-être aller voir sur Twitch avant de juger. Là. Puis aussi, ce que je disais, les médias, là, peut-être que c'est pas juste pour leur opinion, mais sinon, tu sais, s'ils font un article que le monde y lise, puis en gros, c'est marqué WoW is dead, tu sais, 1 million de moins de joueurs, tu sais, en gros titre. Clickbait, là, ça. Là, ouais, mais je penserais pas que ça va arriver non plus, là, parce que si dans le journal, de mettons, aux États-Unis, ils marquent WoW is dead, pas sûr que Blizzard va laisser passer ça comme ça. Ben, ils peuvent pas rien faire, là. Ils peuvent pas rien faire. Je penserais pas. Liberté de presse. Ouais, mais c'est ça, c'est le même. Puis il y en a qui profitent de ça, puis on dirait que ça ramène à ce qu'on disait, pourquoi qu'ils veulent la mort de WoW. Je comprends pas parce que c'est. Est-ce c'est qu'ils voient ça comme une menace pour la relève des ouais. MMO? Ça peut être ça. Ouais, peut-être ça. Peut-être que le monde, ils veulent que ça avance. Il y en a peut-être qui veulent pas que c'est. Veulent rester dans le passé, puis il y en a que les autres veulent que ça avance. Ils veulent mais pas si que tu ça soit regardes tout le World of Warcraft, Ben, là, excuse-moi de t'interrompre, mais à chaque expansion, ils se sont quand même super bien renouvelés. Là. Fait que le monde peut-être qui prétendre la mort de World of Warcraft et d'autres jeux, c'est peut-être du monde qui ont arrêté de suivre le développement de ça, qui sont pas au courant justement non. Que ça s'est renouvelé, que regarde, y a tellement en 10 ans, il y a tellement de choses qui ont bougé, qui ont changé. C'est plus le même jeu que tu jouais en 2006, là. 2004. Non, mais peu importe l'année. Ouais, non, mais c'est à chaque, ça. À chaque expansion qu'ils font, le jeu, il se renouvelle au complet. Là, on vient d'avoir la pré-patch dernièrement, puis... Ah ouais, c'est quasiment un nouveau jeu. Ben, c'est un nouveau jeu, on va le dire. Ça ne l'est pas, là. Ben, c'est pas vraiment... Pour de vrai, c'est le même, c'est World of Warcraft, sauf que c'est une nouvelle expansion, des nouvelles façons de jouer, ça se renouvelle tout le temps, puis c'est ça la nouvelle façon. Les jeux, ils peuvent durer plus longtemps ouais, à quelqu'un que ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué, il regarde la publicité, ça l'a accroché, il se réabonne, il booste un bonhomme, il se log, ça va y prendre quelques temps à s'habituer, là. Il y a du stock en masse de nouveau, là. Ouais. J'avais un autre point aussi, là, c'est que peut-être que ce monde-là aussi sont rendus à un point dans leur vie qu'ils peuvent plus jouer autant qu'avant à un jeu. Peut-être qu'eux autres, c'est du monde qui ont joué beaucoup à World of Warcraft dans leur vingtaine, puis que là, aujourd'hui, ils sont rendus à 35 ans, 4 enfants, puis là, ils peuvent plus se permettre de jouer à ce jeu-là, puis que là, peut-être qu'ils sont intérieurement frustrés, puis ils veulent faire mourir ce jeu-là, ils veulent juste... dire des mauvais commentaires pour ça. Puis j'avais parlé à quelqu'un que j'avais rencontré, il avait environ ça, 35 ans. Puis lui, il avait joué toute sa jeunesse à des jeux. Puis il avait trippé sur les Final Fantasy. Les Final Fantasy 7, c'est son préféré. Puis il avait joué à Diablo 2. T'sais, tous les vieux jeux, il les a joués. Mm-hmm. Puis à partir des nouveaux jeux, Final Fantasy 13, en montant, Diablo 3, tous les nouveaux jeux, là, StarCraft 2, c'est la pire invention qu'ils ont jamais faite de l'humanité. Là. Il me parlait de ça, puis il y avait vraiment là, du hate là, comme jamais. Là. Je dis, Final Fantasy 13, c'est dégueulasse. C'est vraiment pourri. Le 7, là, c'était la meilleure. C'était le meilleur. Puis toutes les autres qui ont sorti à partir de 12, c'est de la merde. StarCraft, il disait StarCraft 1, c'était bon. Tu pouvais jouer en LAN avec tes amis. Ils ont sorti StarCraft 2. Faut-tu jouer sur Internet? C'est tellement c'est tellement mal fait. Là, c'est... Puis, tu sais, tous les jeux, là, ils trouvaient des points négatifs. Puis là, ils se retrouvent aujourd'hui à jouer sur des petits jeux de Facebook. Puis c'est pas mal ça qui occupe son temps, tu sais. C'est pas des jeux de Facebook. Ça, c'est... Non, mais ça, c'est moi, tant qu'à moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui est tellement renfermé puis qui veut rester dans le passé. Là. On a tout un ami comme ça. Là, des conservateurs. Des conservateurs. Là. Ils veulent pas que ça avance. C'est ils ça. Vivent dans le passé. Puis aussi, peut-être qu'à cause de son. Comment il est avec sa famille, trop d'enfants, il a moins de temps pour jouer. Fait que, c'est ça, il joue des petits jeux sur Facebook quand il a le temps, puis that's it. Là, on est rendu là aussi, là. Excuse-moi, là, mais l'Internet, ça avance, la technologie, ça avance. Si tu veux pas avancer avec le monde, ben. Fais-toi un ermite, puis va-t'en dans ton bourg. Chris, ben, je pense que t'as l'effet nostalgie aussi, là, qui rentre en ligne de compte, parce que. Moi, j'aime me souvenir souvent les bons moments que j'ai passés dans Burning Crusade. Là. Ouais. Honnêtement, là, je garde. Ah, t'as ta première amende volante, c'est cool, t'explores tout. Tu l'as farmé, ta amende. Ouais. Quand tu l'as eu la première fois, t'as volé avec pendant au moins une heure, là, pis sans rien faire d'autre. Mais... Puis tu dis, ah, il me semble qu'il n'y a plus ça. Mais retourne dans ce temps-là, puis t'avais hâte en salle que Wrath of the Lich King sort. Ouais. T'avais. Tu sais, oui, mais il y a du monde qui, on dirait. Il se laisse emporter par la nostalgie, puis il refuse le changement. Là. Ouais. Mais le fait que ça change, ça t'empêche pas d'avoir apprécié les bons moments qu'il y a eu dans les jeux. Puis c'est de quoi qu'on voit énormément, ça. Là. Ce qu'il faut te dire, c'est que le moment présent, ça va être le passé plus tard. Puis plus tard, c'est sûr que tu vas te dire, ah, dans le temps, c'était cool, tu sais, qui est le présent en ce moment. Dans le temps, c'était cool, tu sais. Puis c'est ça qui arrive. En ce moment, on se dit comme, hey, dans le passé, là, tu te rappelles tous les beaux souvenirs que tu as eus. Puis t'es comme, me semble qu'en ce moment, c'est pas aussi cool. Sauf que dans 3-4 ans, tu vas faire comme, hey, là, 3-4 ans, c'est-tu que c'était cool, tu sais. Pis... La nostalgie, là, c'est une belle affaire, mais ça peut aussi être un couteau à deux tranchants, là. Ouais, ça peut te ça peut te rendre très amer vis-à-vis les nouvelles découvertes ou nouveaux jeux ou nouveaux. Peu importe quoi. Là. Ça s'applique dans. Là, on parle côté plus jeux vidéo, plus MMO, etc. Mais ça s'applique dans pas mal toutes les sphères là, de la vie. Là, tu sais. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça qui va clore cette discussion-là. Là, on est rendu. On est quoi aujourd'hui? Le 3 novembre, je pense, 4 novembre. Fait que le BlizzCon, ça s'en vient, c'est vendredi. Nous autres, on va écouter ça. Non, on avait dit qu'on allait être là-bas, mais c'est pas vrai. Là, on va être là-bas, mais dans le salon chez GC. Là, ouais. Puis on va écouter le stream. À tous nos auditeurs, on vous annonce fièrement qu'on va couvrir le BlizzCon. Ouais. On va essayer de faire un épisode, un ou deux, là, peu importe, qui sortira la semaine prochaine. Ouais, il y a deux jours, le BlizzCon, vendredi, samedi. Jours. On pourra en sortir un vendredi, puis en sortir un autre samedi. Ouais, ou ça sera un méga épisode, là, peu importe. Mais on va essayer de couvrir là, pas mal toutes les nouvelles concernant Blizzard. Pas juste World of Warcraft, concernant pas mal tout le BlizzCon en tant que tel. Qu'est-ce qui va se passer, les grosses annonces. Le film. Le film. J'ai vu une autre chose aussi. Ça a l'air qu'il va peut-être avoir un nouveau jeu qui s'en vient. Là, que BlizzCon, que j'ai vu dernièrement. On sait pas. Ah, un nouveau jeu de Blizzard. J'ai entendu ça. J'ai vu ça aux nouvelles. Sur Internet plutôt, là, pas aux nouvelles. Puis c'est quoi qu'il dit? Bah, peut-être une nouvelle annonce d'un nouveau jeu. Ouais, parce que dans le fond, dans l'horaire du BlizzCon, il y a un 2 heures qui a rien d'attribué. Que c'est blanc, puis ils veulent pas dire c'est quoi. Fait que d'après moi, c'est quelque chose de vraiment gros qu'ils vont mettre là. Un article de punch. D'après moi, ça va être un nouveau style de jeu complètement, puis ça va être gros là. Pis, peut-être un univers complètement différent aussi. Ouais. C'est ça. Puis là, on va avoir une couple de. On va être une bonne gang, donc c'est sûr que nous, on a des amis qui jouent plus à Hearthstone, qui jouent plus à StarCraft. Fait qu'on va essayer d'avoir du monde sur le show qui va venir nous parler d'un jeu. Puis des nouveautés, comment ils voient ça. Je pense que ça va être bien intéressant. Et puis, étant des amants aussi de musique, là, pas mal toute la gang, là, on va pouvoir aussi parler un peu du show de clôture de Metallica. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je sais pas, vous autres, les gars. Parlant de ça, est-ce qu'on va le voir dans le stream? Le show de Metallica, ouais. C'est inclus avec le... Ouais. OK. Ah, ben, moi, ben, tu sais, je les ai déjà vus en 2003, Metallica. Ça a été le meilleur show de ma vie parce que à ce moment-là, je trippais Metallica quand j'avais... À ce moment-là, c'était fou, là. Tu sais, les vieux CD de Metallica étaient bien meilleurs que les derniers. Ah, ouais, je suis nostalgique. Ben, là, voyons, Clément, c'est le meilleur, là, c'ti. Voyons donc. J'avais des cheveux longs, esti, puis je m'habillais, c'est ça, hein, comme Metallica, puis j'avais commencé à jouer du drum aussi à ces années-là, fait que tu sais, pour moi, ce show-là, ça avait été, puis ça va rester le meilleur show que j'ai vu de ma vie, fait que, tu sais, c'est toujours un show qui est super cool à voir. Ouais, avec, ils sont bons, peu importe qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est, ouais, ils sont super bons. Pour quelqu'un qui les a jamais vus, ben, je vais peut-être les... avoir la chance de regarder une fois en live, là, tu sais. Mais, c'est super cool, là, qu'il ait pris un gros groupe de même, en tout cas, moi, je trippe bien plus qu'il ait pris Metallica que Blink de l'année passée. Ouais, l'année passée. En tout cas, moi, j'ai bien... Non, il aurait dû prendre Cannibal Corpse, man. Yeah, le gars, il a un tattoo de la horde. Le gars, il a un tattoo de la horde, si, ça aurait été cool. Mais parlant de ça, y a-tu des groupes que vous pensez qu'il aurait bien fité pour un BlizzCon comme ça? Y en a-tu qui vous viennent en tête? Ben, je pense pas que t'aurais pu mieux tomber que Metallica. Regarde, c'est quand même du son lourd, ça représente... des batailles, me semble, ça fit avec des gros riffs de guide, du gros drum. Ouais. Mais en plus, c'est assez grand public. Là, ça touche tout le monde. Là. Même quelqu'un qui écoute du rap ou peu importe, connaît des tunes de Metallica. Donc, t'aurais pas pu mieux tomber que ça, selon moi. Ouais, puis aussi l'audience qu'il va avoir. On s'entend que ceux qui vont au BlizzCon, c'est eux qui sont des fans purs et durs. La plupart du temps, ils vont être un petit peu plus nerds. Puis on sait que les nerds, ça écoute du métal aussi. Fait que moi, je pense que Metallica, c'est le meilleur choix qu'il aurait pu faire. J'aurais peut-être vu d'autres groupes comme peut-être Rush, Iron Maiden, des vieux groupes. Ouais. Dans même trempe aurait... que Metallica. Ouais, là, dans c'est ça. Ces groupes-là, ça aurait pu fitter, mais c'est sûr que ça fit plus que Blink, on a dit tout l'année dernière. Ouais, ben tu sais, ça y aurait pu mettre Disturb aussi. Fait que là... Disturb? Ben ouais, Disturb. Ouais, Disturb. Godsmack, ça va peut-être pas pire, mais ils sont un petit peu moins gros, eux autres, là. Fait que Ben? Ouais? Est-ce qu'on a reçu notre premier email à vie? Ouais, c'est ça. Vous venez nous écrire des emails, fait qu'on en a reçu un. Un de la part de Chris. Puis je vais vous lire ça à l'instant, le email qu'il nous a écrit. Ça dit « Salut les gars! » Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très certainement un de vos 24 plus grands fans à vie de Wipes at Trash. En effet. Sinon, pas le seul. Peut-être pas le seul. Hein. Peut-être on a peut-être 2-3, mais 24, c'est peut-être un bon approximatif. En tout cas, les sujets sont intéressants. L'animation est irréprochable et vous n'avez absolument rien à envier à Vincent Bolduc comme animateur radio. C'est qui ça, Vincent Bolduc? Je sais pas, mais merci Chris. Merci. Ça continue, ça dit « De plus, je trouve qu'il y a un petit je ne sais quoi dans la voix de GC qui me fait vibrer. Oh, un petit zomo! Ouais, ben, merci, on se reparle en ronde. Peut-être si tu recherches un petit copain. On se reparle en ronde. Mais bon, j'aurais un petit commentaire à faire concernant votre dernière émission. Lorsque vous avez dit qu'il était possible de recevoir un heirloom la première fois que tu tues Garrosh, et ce, à chaque niveau de difficulté, il faudrait mentionner que ce n'est pas valide pour le niveau de difficulté Raid Finder. Je m'excuse. Tabarnak. Chris, Raid Finder, come c'est on. Pas une difficulté, OK? Enlève tout ça de la tête, là, c'est pas du Raid. Merci. Ah puis ben, en plus, certainement pas du Raid Finder. J'ai réécouté l'émission pour voir qu'est-ce qu'on avait dit. Puis on a dit dans l'émission toutes les difficultés. Puis après ça, je les énumère. Je dis normal, héroïque et mythique. Donc j'ai tout énuméré les difficultés. Et, évidemment, j'ai oublié Raid Finder parce que c'est pas une difficulté, c'est juste de la barbe. Puis c'est ça. Fait que ça continue. Sinon, le email, c'est tu lâchez pas. P.Y. Pierre-Yves-Laure de C'est quoi n'a qu'à bien se tenir. Le frisé à quoi Moses, druide à quoi Pew Pew Hunter, à quoi Speak Shaman. Fait que merci Chris. On vous invite à nous écrire tout le monde. S'il vous plaît, suivez son exemple. C'est cool. Nous autres, des emails, c'est le fun. On peut les lire en direct. Puis aussi, ça nous aide à peut-être nous améliorer un peu parce que on n'est pas des pros de la radio non plus. Fait que c'est bon d'avoir des commentaires de vous autres. Puis on va lire les 5 meilleurs emails qu'on va recevoir. Ouais. Puis s'il y en a moins que 5, ben on va les lire. Toutes les lire, même si c'est de la merde. C'est vrai, ça. Fait que ce qui nous amène à la question de la semaine, on a incorporé ça à la deuxième épisode. On vous demande une question, puis si vous voulez aller sur Twitter ou Facebook, puis répondez à la question de la semaine. Puis on va juste dire à l'émission qu'est-ce que vous avez répondu, puis on veut avoir votre opinion là-dessus. Dans le fond, la question cette semaine, c'est comment planifiez-vous leveler votre main le 13 novembre? Je pense qu'on l'avait un peu répondu, nous autres, ouais. Dans la expansion. Tout JC, c'était de... Moi, j'allais prendre mon temps, puis ouais. Checker ça en masse. Toi, Lanou, est-ce que tu planifies un peu? Moi, en ce moment, j'ai rien de planifié, mais d'après moi, je vais faire tout le lore master comme j'ai fait à toutes les expansions, donc ça va être okay. Pas mal ça. Là, je vais prendre mon temps pour leveler, mais de toute façon, je vais être sûrement dans les premiers parce que je vais jouer 24 heures sur 24. Fait que toi, tu vas faire tout le lore. Moi, ce que j'avais dit, c'est que je veux faire ça vite parce que je veux être dans les premiers, mais en même temps, je veux profiter du lore, fait que je vais lire, mettons, les quests que je trouve importante, puis sûr que plus ou moins importante, ben je vais skipper ça. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé, dans le fond, les achievements, parce qu'à cause de la patch, on peut voir les achievements qu'il va y avoir dans Draenor. Ouais. Puis j'ai remarqué que dans les quests, il n'y avait pas de nombre de quests par région. Fait que je sais pas trop à quoi que je vais m'attendre pour le Lore Master. Va peut-être falloir que tu finisses tout au complet. Ouais. Va pas falloir que t'en sautes une. Parce que les autres achievements, si t'en faisais tant sur le maximum, tu pouvais avoir l'achievement. Mais là, ça va peut-être être. Faut toutes tes faces. Faut pas t'en manquer une. Fait que dans le fond, on veut savoir votre opinion. Qu'est-ce que vous planifiez. Et n'hésitez pas aussi là, si vous avez des commentaires par rapport au caractère féminin dans les jeux vidéo et ou la tendance de vouloir bâcher les jeux. Là. Laissez-nous vos commentaires. Ça va faire plaisir de partager ça avec les autres auditeurs. Là. Ouais, si vous n'avez pas été trop en accord avec ce qu'on a dit, écrivez-nous un email, expliquez-nous votre opinion. Puis ça va nous faire un plaisir d'en reparler à la prochaine épisode. Puis on est là pour en jaser. Puis garde la discussion est là pour ça. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Pour nous rejoindre sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre à @WipesAtTrash. Je ne l'appellerai pas cette fois-là parce que je vais me tromper. Sinon, sur facebook.com/WipesAtTrash. Si vous voulez nous écrire un email, c'est WipesAtTrash@commercial.gmail.com. Puis, ouais, c'est pas mal ça. JC, on peut-tu t'en rejoindre à quelque part? Non, je pense. Ben, les comptes et Twitter, email, Gmail, etc. de WebSatTrash, c'est bon. OK. Puis toi, Lanou, t'as-tu quelque chose que tu voudrais partager? Un Facebook, un Twitter, si le monde veut te joindre, te suivre? Ben, sur Twitter, c'est A commercial, AEXILE, Exile. Sinon, vous pouvez suivre. Si vous suivez déjà WipesAtTrash, je suis déjà en communauté avec eux autres. Fait que. Puis je raid avec eux autres. Donc, si vous allez sur Arthas un moment donné, ben, vous pouvez peut-être venir nous trouver. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'a pas dit vraiment où qu'on était, mais on est sur Arthas US. On joue la Horde. Puis, c'est ça. Si vous voulez faire partie de notre guild, c'est la guild Soldati qu'elle s'appelle. Fait qu'essayez de rejoindre quelqu'un peut-être en ligne. Ben, tout le monde, je pense, qu'ils peuvent. De Soldati peuvent aider du monde. Fait que si vous parlez québécois, ben vous êtes les bienvenus, bien sûr. Puis si vous mentionnez le podcast, quand vous nous whisperez, on vous donne 100 gold. Ouais, 100 gold, c'est bon, c'est un bon prix. Benjamin vous donne 100 gold. C'est ça, Benjamin vous donne 100 gold. Fait que, merci Lanou d'avoir été là à soir. Ah, ça me fait plaisir, c'était super le fun, les gars. On reprend ça. Yes, sir. Quand, si, puis, merci, Ben. Hey, merci, JC. Yes, sir. On se voit au BlizzCon. Ouais, BlizzCon vendredi, émission spéciale. Manquez pas ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye-bye. C'est JC qui chie depuis tantôt. Tabarnak. Bon, Ben, là, on est pas mal rendu. OK, les gars. Ça, t'es chiant. Oh! Dirt. Puis on avait un panéliste de du podcast qui parlait du nouvel. En passant, c'est bête qu'à manger le pète.